Bonjour, direct 1er février 2022. Je vais juste aller voir quelque chose. Bon. Est-ce que j'ai perdu le direct? Non. Voyons, j'ai une espèce de connerie là, qui m'empêche de fermer une fenêtre. Je vais attendre que cette connerie-là parte. C'est un petit carré vert qui me dit Google Chrome utilise la webcam. Puis tant que ça apparaît, je ne peux pas aller fermer la fenêtre que je voudrais. Je vais essayer autrement, là. Ah, c'est disparu. Ben non, ça réapparaît. Maudit. Un instant, là, je vais essayer de. Est-ce que j'ai perdu le direct? Non, je pense pas. Bonjour, Sozo. Bonjour, Lindus. Moi, je regardais un certain placement que j'essaie de me défaire, là. Je pense que nous allons vers un certain effondrement financier, là, puis bon, j'essaie de. Bonsoir, cellule or. De toute façon, c'est une place qui bouge pas. Progressive connexion originale réseau musicien. Bonjour. Ouais, aujourd'hui, ça a été une journée un peu déplaisante. J'ai eu un rendez-vous chez les dentistes. Puis là, vous savez, j'ai fait arranger une dent. Ça m'a coûté un petit peu cher. Puis je pense qu'il m'a manqué. Il m'a accroché un nerf. Ça m'a fait mal. Juste que. J'ai mal dans l'os zygomatique, comme si j'avais eu un coup de poing. Bonjour, J. Karine 83. Mais bon, ça s'en va. Parce que j'ai des aspirines qui sont maintenant interdites à la vente libre au Québec. Je ne sais pas là, pour le reste du Canada. Peut-être que ça soignait certaines choses qu'on connaît. Tout simplement, puis c'est plus en vente libre. Donc, mais comme vous savez, il y a toujours moyen d'avoir des réserves. Bonjour, T. Karen 83. Moi, je pense qu'on s'en va vers une crise économique. Nous en allons vers une crise économique. Ben, ça s'arrange toujours. On s'en. Bon, en tout cas. Bonjour, Christy. Destin. Ah, vous êtes en Europe, vous dites bonsoir. J'ai eu un entretien avec David Lev, ceux que ça intéresse, mais je pense que la majeure partie est sur Odyssey. Ça a été un petit peu violent, donc ça doit être quasiment tout sur Odyssey. Christine Payman, bonjour. De Belgique, ah, bonjour. C'est vous là, qui aimez Serge Gainsbourg. Virginie Gosselin Février, bonjour. Chou des clowns, j'ai refroid. Ah, j'ai tout ça, vous savez. Mais je peux pas me. C'est jusque dans l'os, le nerf, je peux pas. Mais non, ça va s'en aller. L'aspirine, ça fonctionne aussi quand même. Mais vous savez, j'ai ça, de l'huile de clou de girofle. Bonjour, merci pour tes partages. De rien. Vous savez, je fais pas des. Pas au sens comme sur Facebook, là. Je suis pas sur Facebook ou des réseaux sociaux. Je fais pas vraiment de partage. Ça parle beaucoup depuis 2 jours, la vibration des camions fait du bruit. Oui, bon. Bonjour Christine, vous allez regarder sur Odyssée. Ben, si vous regardez l'entrevue sur Odyssée, bon, je vais faire voir un petit peu. Parce que, bon, l'affaire, l'entrevue sur Odyssée, je vais m'y faire un petit peu de tout ça. Je pense pas que ça va donner rien de bon. Puis il s'est récupéré d'ailleurs, puis c'est en train de nuire. À la contestation, au fond. Puis, il y a aussi le fait que ça est parti pas mal de. Bon, en tout cas, je suis sceptique. Je dis pas que bonjour, Lucie. Mais je reste sceptique. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des professionnels, entre autres, qui, dans l'ombre, travaillent pour, vous savez, là, agiter le peuple avant de s'en servir. Donc, l'enthousiasme soulevé par les camions n'est-il un peu naïf? Oui, exactement. Donc, Aucune confiance. Moi, ben, je dis pas que je pense que la vaste majorité des gens qui prennent part à ça sont de bonne foi. Et comme d'habitude, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je pense pas que ça va aboutir à rien. Probablement que ça donnera pas grand-chose, mais comme tu dis souvent, tout sert, donc certains sauront encore plus, là. C'est ça. Il va y avoir des déceptions, possiblement. Mais c'est de voir tout ce qui est arrivé là. En tout cas, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Mais les gens là, qui ont partagé beaucoup de choses comme quoi Justin Trudeau était mort de peur et qu'il se cachait, il est pas apeuré, là, Justin. Il est quand même. Il sait ce qu'il fait, on lui dit quoi faire. Puis plus fine mouche que son père, un petit peu, on dirait. Et moins, beaucoup moins imbécile que les gens pensent. On a affaire à des gens très cyniques. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'entrevue avec David Lévesque là, sur Odyssée, je pense que j'ai pas mal dit. J'ai tellement dit de choses que je suis un petit peu sans mots aujourd'hui. J'ai peut-être trop parlé, mais je me souviens même pas. Je sais qu'on a parlé de ça, les camions. Ben, cette affaire-là, le siège de. Les médias aujourd'hui parlent d'un siège d'Ottawa, là. D'accord. C'est ça, au fond. Oui, c'est un siège, quelque part. Mais je pense que c'est. En tout cas, je vous trouve beaucoup patient parfois avec David. Ben, lui aussi est très patient. Ah non, mais c'est un peu son travail, là. Je le vois, David, ce qu'il fait, là, des fois, c'est normal, là, Puis, c'est sûr que plus je suis mis en vibration, on va dire ça comme ça, plus ça devient intéressant. Donc, non, je suis quelqu'un quand même assez indulgent. À moins qu'on me fasse chier pour me faire chier, mais ça arrive, c'est jamais arrivé avec David. Là. Au contraire, ça n'a rien à voir. Si advenant que ça donne quelque chose, le problème, c'est que même s'ils quittent leur poste, ils abolissent les mesures, ça risque que le peuple n'est pas prêt à se gérer. Bon. J'aime pas ben ça, cette idée-là, le peuple n'est pas prêt à se gérer. Il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans. Pourquoi? Mais parce que si on force pas le peuple à se gérer, il sera jamais prêt à se gérer non plus. C'est dans la pratique puis dans l'action que ça va se construire. Donc, je pense que l'on devrait focusser sur un nouveau monde que de trop s'attarder à la pseudo, pas moi. Bouf. Vous savez, là, ce qu'il y a de. Ça en fait partie à mes yeux, les histoires de nouveau monde. Ça fait penser au nouveau Virginie, j'ai pas eu le temps de voir là. De trop s'attarder à la moins. Non, il n'y aura pas de nouveau monde. Il va y avoir des nouveaux paradigmes. C'est le même monde. Ça va toujours être le même monde. Ce qui change, c'est les paradigmes, le contexte, certains détails contextuels. Donc. David a de grandes résistances. Ben, moi aussi, j'imagine. Je l'aime bien aussi. Il est à une bonne place. Alors, là, je vois pas ce que vous voulez dire. Mais c'est dans la pratique, dans les nouvelles acquisitions et l'intégration, c'est ça qui est nouveau, qui est intéressant. Puis c'est là que. Mais le monde, lui, il change pas. C'est quoi le monde? Il faudrait définir le monde. Je n'ai pas envie qu'on se mette à faire de la philosophie. Là. Mais bon, c'est pas grave. Je disais que votre duo avec David fonctionne bien. Ben oui, moi aussi, je trouve ça. J'ai jamais eu à me chicaner avec David. J'ai jamais eu de conflit non plus. C'est comme l'homme nouveau et la femme nouvelle. C'est ça, mais le monde reste le monde. Donc. C'est ça là, qui est intéressant. C'est comme Prenez l'être humain qui intègre, il perd pas ce qu'il a intégré avant. Le nouveau, il intègre du nouveau, mais les stades d'avant, comme l'intellect, le psychologique, ça reste, mais il va au-delà. Donc, puis ça change le reste. Bonsoir, Franck. Faut que ça évolue, c'est ça. Mais pas au sens darwiniste. Si on peut influencer sur la pensée de quelqu'un, pourquoi ça ne marche pas sur le gouvernement? Parce que ça n'a rien à voir. Le gouvernement, c'est pas quelqu'un. Le gouvernement, là, ça serait long de tomber là-dedans, mais ça a toujours été comme ça. Et bonjour, Marine. Manon, bonsoir. Ça fait longtemps que vous n'avez pas capté en live. Ça fait plaisir. Ah bon. Moi, ben, je fais un live, pourquoi? Je sais pas. Je viens de prendre plein d'aspirine. Vous savez que l'aspirine, au niveau de ce qui a été constaté, au niveau de certaines expériences cliniques, l'aspirine diminue certaines capacités psychiques, alors que la caféine les augmente. On s'est rendu compte de ça dans les années 70 et 80, quand il y avait encore des gens qui étudiaient d'une façon honnête certains phénomènes. Avant que ça passe tout secret défense, puis qu'on fait comme si ça n'existait pas, ces choses-là. Évoluer dans le sens supramental et multidimensionnel, on est là pour ça. Oui, ben, si vous voulez, même, on est dans la matière pour ça. La matrice originelle, ouf, c'est quoi la matrice originelle? Vous pensez que là, ici, c'est un monde artificiel, créé par un démiurge, puis qui nous a emprisonnés dans une prison de. La matrice originelle, c'est quoi? La matrice originelle, c'est. Si on parle, là, vous connaissez là, John Milton, le paradis perdu, ça fait partie de l'inconscience de l'humanité, on pourrait dire. L'affaire de matrice originelle, c'est que l'être humain vient de l'énergie, une partie de lui, en tout cas. Puis, c'est difficile, ça, à percevoir psychologiquement. Donc, on parle de matrice originelle, puis ça devient des espèces de mythes modernes. Parler de la psychanalyse, très clairement, ça fait du sens encore, car c'est aussi très central. J'adore pas à. Pour moi, Freud est plus que dépassé, là. À mes yeux, Freud, c'est presque une secte. Les psychanalystes, à mes yeux, là, surtout, ils se psychanalysent entre eux, ils entretiennent cette subjectivité-là. J'aime pas bien. Prenez l'affaire du banquier cannibale de Freud. À mes yeux, il y a là tout ce qui marche, ce qui fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. C'est très limité à mes yeux pour moi. Si vous pouvez parler aussi la psychologie analytique là, de Jung, c'est déjà un petit peu moins. Bonsoir, Thérèse. J'ai un de mes oncles à un moment donné qui avait perdu une conjointe, puis là, il avait retrouvé une Thérèse, une Madame Thérèse, puis il avait fait une joke plate que je vous ferai pas. Original. La matrice, c'est les égrégores planétaires et la grille éthérique universelle sont deux choses. La matrice, c'est les égrégores planétaires. Ce qui s'en gère. Vous voulez parler de quel? Je sais pas. Il y a de quoi qui accroche pour moi là-dedans. La matrice. L'affaire, j'ai bien de la misère avec ça. Ces termes-là, ça me fait pas vibrer. C'est quoi une matrice? Une matrice, là, c'est un réceptacle où la vie se forme. Ça, une matrice. Donc, j'ai de la difficulté avec ces termes-là que nous ont apporté un cinéma que je n'aime pas. Oui, justement, ça recadre. Je ne sais plus à quoi vous faites référence. Ben, la matrice, c'est les schémas sociaux. C'est parce que vous, là, vous entendez ce terme-là au niveau d'une culture populaire de matrice. Une matrice, c'est pas ça, là. Une matrice, c'est quelque chose qui donne naissance à autre chose, quelque chose d'englobant, un peu comme une chrysalide, c'est une matrice. Donc, ça dépend le sens qu'on donne à ça. Là. Il faut vous parler d'une sorte de prison en fait de subjectivité collective. Parce que c'est, si on se réfère à ce genre de le cinéma, là, La Matrice, qui est un film que j'ai jamais été capable de regarder, parce que ça s'est passé dans la culture populaire, ce terme-là, comme faisant référence à un monde artificiel. Nous sommes dans une initiation globale sur quelques années. Certains voient 25 comme la libération, la victoire, ce pourrait être le point d'intensité maximale. Ah, 2025, mon ami. La muselière rituelle de Cerf sera maintenant obligatoire pour les enfants de 3 ans. Ah oui, qui apprennent à patiner. Ah, je savais pas. C'est honteux. Pardon, je digère. C'est drôle, j'ai même pas dîné. J'ose pas, je la fasse, ma femme. Est-ce que tu penses que si le peuple arrive à sortir le pouvoir du gouvernement, il serait capable d'instaurer quelque chose de nouveau? J'ai un petit problème avec ça, c'est que pour faire ça, ça prendrait un système de transparence totale. Une forme de synarchie cybernétique totalement transparente où tout est visible tout le temps. À sortir, le peuple n'arrivera pas là, à tomber des gouvernements. Là. On en fait à des initiés de la connaissance. Là. C'est intelligent cette affaire-là au sens de la connaissance. Le peuple est imbécile. L'intelligence, c'est individuel. Donc, au niveau collectif, ça marche pas de même, ça va aller. Là. Heureusement qu'il y a d'autres choses que des forces, mais à date, là, quand on donne le pouvoir au peuple, c'est pour le manipuler. C'est parce que quelqu'un, quelque part, manipule le peuple. C'est d'ailleurs ça, le gouvernement, à mes yeux. J'ai le Omicron depuis lundi dernier. Il veut pas me lâcher alors que je lui permets d'exister dans un sens et ça me réjouit. Ben oui, mais vous n'avez pas l'air en train de mourir. Ça a l'air très léger. Bon. C'est comme les films de la matrice. Oui, ben c'est ça, là. C'est ça la face. Parce qu'une matrice, c'est pas ça. Vous voyez, on a perverti le langage. Parce que le terme matrice a encore la vibration au niveau de ce qu'il voulait dire anciennement. Une matrice, c'est une coque dans laquelle quelque chose se développe, comme un embryon, par exemple. Le temps d'une certaine formation ou une chrysalide. Ou l'utérus d'une femme. C'est ce qu'on appelait anciennement une matrice. Donc, je trouve que le cinéma pervertit tout, puis que la culture populaire déforme tout, puis c'est ça l'astral, entre autres. J'ai bien de la misère avec ça, donc... c'est de l'enfermement collectif, oui, parce que, vous savez, là, l'affaire, c'est qu'une matrice, au vrai sens du terme, c'est quelque chose où on se développe pour le stade suivant. Alors que ce que vous parlez comme une matrice, c'est quelque chose où on empêche. C'est une prison au sens de quelque chose qui englobe le fait de force retardataire. Alors qu'une vraie matrice, le vrai sens de ce mot-là, c'est tellement pas ça. Mais bon. J'ai de la misère avec le maudit cinéma. En tout cas. Quand BDM parle de régence planétaire, ça me met mal à l'aise, solide. Ouais, moi aussi. Puis il y en a qui espèrent là-dedans. Ils pensent que quand nous aurons atteint un niveau d'une masse critique de gens qui ont un certain niveau de conscience, que là sera établie la régence planétaire, je vais le dire là. Moi aussi, j'accroche. Tandis quoi des mouvements de camionneurs, ben, je l'ai dit plus tôt, là. Je me méfie de ça. Je pense qu'il y a des gens là-dedans je pense que c'est infiltré, qu'il y a des agents doubles là-dedans, puis que ça va se retourner contre les protestateurs. Puis c'est même possible, vous allez voir de la violence de la part de policiers. Là. Il va y avoir de la violence policière, ça va être évacué par la force. Ces gens-là sont en train de créer un prétexte au gouvernement pour agir comme des vrais. Ça va ressembler à, vous savez, là, ce qu'on appelait les sections d'assaut. Le système va s'écrouler et le monde, s'il s'organise, peut amener par. Vous savez, c'est parce que depuis toujours, les crises, les écroulements, puis toutes ces choses-là sont planifiées. Même, prenez les premiers cracks là, au niveau des systèmes financiers. On va prendre, par exemple, celui de 1860. C'était planifié par des gens. Au fond, c'est une façon de réguler la ressource humaine, ces crises-là. En tout cas, il s'agit de. J'ai rêvé d'une immense chrysalide quand j'écoutais BDM en 2019. Ah, c'est intéressant, ça. C'est drôle, j'ai fait un rêve ce matin. J'ai fait un rêve. J'étais justement dans une ville où on ne pouvait pas voir le ciel, c'était fermé. Il y avait comme un plafond. Les édifices étaient tellement hauts que quand je regardais, ça faisait comme un plafond. C'est drôle ce que vous me dites, ça m'a rappelé mon. Ben, la régence planétaire peut se construire. War les plus évolués du peuple. Nouveau monde. De toute façon, là, à chaque fois qu'il y a un âge de fer qui prend fin, la fin d'un cycle, par après, c'est ce qu'il y a de plus, les gens les plus éclairés qui vont après. Ça a tout le temps été comme ça, c'est sûr, parce qu'il va y avoir une sélection. Vous savez, là, c'est là où polariser ça en bien mal, là. Il y a des bonnes gens, puis il y a les méchants, là, qui organisent tout ça. Je peux pas voir ça comme ça parce que ça va au-delà de ça. Derrière tout ça, il y a des forces. Puis, c'est violent. Mais, ça a toujours, eh ben, il y a déjà la police, là, qui se promène autour. Il y a En tout cas, si vous prenez l'enregistrement de Bernard Lemal, qui est un des premiers qui l'a fait, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il explique que le mal existe au niveau de notre catégorisation d'un certain rapport de force, entre autres. Mais oui, il y a du mal, puis oui, on n'a pas le choix d'être contre. Ça fait partie de la nature du mal, c'est polarisé, donc on n'a pas le choix d'être pour ou contre ce qu'on définit comme bien ou mal. Mais il n'y a rien qui est absolu, à part l'esprit. Désolé, pour une fois, c'est pas des antiacides. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Non, sans faire de la polarisation, on peut prendre une direction. Ben, ils sont censés aller ce qu'on appelait anciennement vers le beau, le bon et le vrai, c'est-à-dire selon des lois d'harmonie. Étant donné que les choses évoluent souvent dans le traumatisme, ben, ceux qui vont avoir l'esprit le moins pollué vont suivre la vibration. C'est comme ça que va se faire une sélection, que finalement, s'il est pour avoir un nouveau monde, il va se faire tout seul selon des lois naturelles, entre guillemets. Donc, les gros suintants pour. Ah oui, les gros suintants pour aller chercher la sympathie des boomers hypocondriaques, les Valérie Plante du Dame planétaire pour séduire les jeunes woke à l'esprit puérilisé. Moi, ben, je suis pas mal d'accord avec vous. J'ai parlé de ça, les affaires de woke, avec, mais je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit. Je m'en souviens plus, mais c'est de la perversion, ça, des jeunes. C'est de la corruption de la jeunesse, ces folies-là, qui se tiennent pas. On a voulu, bonsoir, STF, on a voulu enlever la capacité de raisonner d'une façon lucide aux gens. On n'a plus d'esprit critique, c'est dévalorisé maintenant. On est dans l'émotion, l'émotivité. C'est comme l'affaire, là, il y a du monde qui conduisent leur voiture, ils sont tout seuls dans leur voiture avec un masque, c'est totalement irrationnel, mais on leur fait croire qu'ils sauvaient des vies, Puis au niveau de leur surmoi, ils se sentiraient coupables de ne pas le faire. Ceux qui voulaient parler de psychanalyse, là, au niveau de leur surmoi, les pulsions de vie et de mort font que ça leur ferait peur de ne pas le faire. Ils pensent qu'ils sauvent des vies. On sent des pulsions de vie et de mort pour manipuler la masse. De la même façon qu'on s'en servait dans le temps pour vendre de la gomme ou des boissons. C'est odieux. C'est vraiment odieux dans le sens que moi, j'ai beaucoup de difficultés à. Il faut vraiment mépriser les gens pour agir comme ça avec eux. Mais l'affaire, là, les boomers hypocondriaques, ben oui. Cette génération-là est de maintenant assez âgée, puis c'est certains qui sont faciles à apeurer. Pour séduire les jeunes woke à l'esprit puérilisé. Ouais, on les a gardés dans un état de développement. C'est incroyable, un jeune de 20 ans aujourd'hui, comment c'est différent de quand moi j'étais enfant, quelqu'un qui avait 20 ans. Bon, du coup, voilà, ma mère, avant, ma mère, elle était déjà morte. Voilà la notion de pulsion de vie et de mort, c'est le début à intégrer. Ben, c'est que l'âme humaine est très magnétique. Donc, il y a des pôles. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai abandonné le fait d'éveiller les gens en consultant. Je vois que ça ne sert à rien. Ben, les gens qui vont s'éveiller, ils vont s'éveiller. Vous pouvez être un catalyseur, mais il faut pas. Si vous voulez forcer la note, forcer des gens à s'éveiller, vous allez engendrer des résistances. Puis la subjectivité chez ces gens-là va se défendre. Puis c'est pour ça que maintenant, là, maintenant, je vais suivre plus mon intuition, mon instinct, mon ressenti au niveau de la vibration. Là, j'étais trop indulgent. Je suis trop gentil. Ça me fait drôle de dire ça. Il y en a trop de paranoïa collective. Ouais. Ben oui, mais il y en a toujours eu. À un moment donné, c'était quoi dans les killer bees là, qui allaient tuer tout le monde aux États-Unis? Il y avait, là après, là, il y a eu voyons. Bon, en tout cas, il faut tout le temps qu'il y ait un ennemi intérieur. Mais avec une maladie comme on a en ce moment, ça fait un ennemi invisible intérieur. C'est parfait, hein? Au niveau de certaines techniques, j'aurais même jamais été assez machiavélique pour penser à ça. L'ennemi invisible intérieur. Je connaissais la tactique de l'ennemi intérieur, genre le terrorisme domestique, ces choses-là, mais intérieur, à l'intérieur du corps. Fallait y penser. Puis que même ton ami peut te le donner. Tu sais, c'est plus avoir peur de l'ennemi, il faut avoir peur même de ses amis, des membres de sa famille. C'est incroyable. Incroyable. Ils sont très, très, très intelligents. Au sens intellectuel. Le bug de l'an 2000, ben moi, ça, j'ai trouvé ça drôle. Puis j'y croyais pas. Puis ça a été pareil pour 2012. Puis à chaque fois que j'ai jamais embarqué dans rien. Mais oui, il y en a qui avaient peur pour vrai. Ouais, c'était spécial, surtout aux États-Unis. Bonsoir, Valila. Karina, avant le virus, c'est ça. Ben oui, puis avant ça, ça a été les communistes. Étrangement, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a peur du communisme, mais il est beaucoup plus présent et près de nous, quelque part. Hein. Eh bien. Les médias font de la propagande paranoïaque. Ben, faut que ça soit paranoïaque, la propagande à ce niveau-là. Vous savez, on est un peu comme autour de 1938-39, là. C'est une répétition de ça. D'après moi, on va entrer dans une crise économique qui va être suivie d'une guerre. Vous savez, vous avez eu la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale, qui était suivie de la crise de 1929 après la Deuxième Guerre mondiale. Puis il semblerait que ça suit souvent ce schéma-là. Il y a eu les années folles entre les années 20, puis après la crise de 29. Puis là, ils nous enlèvent les périodes joyeuses, on dirait. Il n'y a plus de transition joyeuse entre les crises. Trois ennemis invisibles et terroristes, le CO2, pas Greta Thunberg le voit à l'œil nu, semble-t-il. Le virus est bientôt les terroristes. Ouais. Ben oui, mais on s'est bien trop rendu dépendant de ça, l'informatique. Aujourd'hui, chez le dentiste, j'étais très en colère parce qu'il n'y a pas d'horloge dans la salle d'attente. Ils considèrent qu'on est censé avoir notre téléphone intelligent puis voir l'heure. Qu'ils aillent au... J'allais dire quelque chose de pas correct, mais franchement, il y a des personnes. Bon, c'est sûr, les personnes âgées, c'est rare qu'il leur reste des dents, mais il y en a. Puis, non, mettez des horloges, là. Une salle d'attente, ça prend une horloge. Bon, j'exigerai pas que ce soit une horloge mécanique qu'on remonte, mais au moins, mettez l'heure. En tout cas, ça me met tellement en colère, ça. J'en veux pas, moi, de téléphone intelligent. Puis, on nous fabrique un monde où cette espèce de GPS-là, de transpondeur-là, et qui va devenir obligatoire par nécessité. En tout cas, bonjour Christine, me fait penser à Harry Potter, une guerre, je la pense aussi. Bon, je ne l'ai jamais lu, les Harry Patente. Harry Patente. Pour certains, mais bof. Pour certains, le virus est l'ennemi intérieur et pour d'autres, l'ennemi est moi. Moi, ben, je vais faire attention là. Ici, tout va bien. Ma femme, moi-même et mes deux enfants, 8 ans, tout positif. 2 et 8 ans, tous positifs au Rumicron. Au secours, j'ai le nez qui a coulé. Mais oui, ma femme, double, en plus de plus fatiguée, ben là, ça, c'est normal. Ben moi, ce que je constate autour de moi, là, plus c'est inoculé, plus c'est. Bon, en tout cas, il faut que je fasse attention. Hein. C'est peut-être un peu pessimiste de parler de Troisième Guerre mondiale et d'un effondrement pour le ballot. C'est un peu réaliste, vous ne trouvez pas? Vous savez, à mes yeux, à moi, un effondrement économique puis une guerre, c'est une occasion. C'est des possibilités. Ça dépend toujours comment vous voyez ça. Il va y avoir un transfert de l'énergie. N'oubliez pas, après par exemple, la crise dont je parlais de 1860, il y a eu des gens qui ont réussi à changer de classe économique après, parce que ça crée des opportunités. Il y a eu des vides qu'ensuite il faut remplir, et puis ça crée du mouvement. Donc, ça peut, une crise économique, ça peut, ou une guerre, ça peut être, je le sais qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, ce que je dis là, mais ça peut être l'occasion d'améliorer son niveau de vie. Leur intelligence ne fonctionne que par notre bêtise. Oui, et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir la capacité d'intégrer du luciférien sans le polariser et sans être menés par lui? C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de manipuler ce qui nous manipule? Les gouvernements n'ont pas intérêt à un effondrement économique, ça dépend de quel gouvernement on parle. Admettons qu'il y a une dette transnationale, puis qu'il y a un gouvernement au-delà des gouvernements. Mona est très en colère envers les femmes. J'aime bien sa colère. Je l'ai aussi pour les enfants. Ouais, ben vous savez, la colère, l'énergie de la colère peut servir à engendrer un mouvement créatif. Donc, j'ai une question à te soumettre. J'ai décidé de ne pas me faire tester pour ne pas me faire activer un passe sous forme de certificat. Et n'a pas cautionné de vaccin. Oui, mais où la question? Vais me souvenir de vous, le Camille, pour essayer de voir le plus tard. Comment du mémoriel peut avoir autant d'influence sur nous, sachant que c'est pas vivant? Ben oui, mais c'est activé par le vivant. Le vivant fonctionne avec la mémoire de la forme. Il y a un plan de mémoire de la forme. Ça dépend de quoi vous parlez, là. BDM parlait de l'Antéchrist. Il disait l'Antéchrist pourra remplir toutes les tâches sans restriction. Ben oui, ils vont le laisser faire. Quoi où est le rhume et la grippe, on doit nous les rendre. Hey, monsieur Camille, j'ai pas eu le temps, là. C'était quoi, là? Ben oui, mais bon. Ben, c'est comme moi quand le docteur Arruda a dit il n'y a pas d'influenza qui circule. Hein? En 460 ans, au Canada, dans le Canada français, c'est la première fois. Voyons, là. C'est comme si on dit, ah, ben, pour la première fois, là. Bon, en tout cas, je trouve même pas d'exemple. Coudon, mon dernier commentaire est censuré ou quoi? C'est parce que je nomme des gens. Ah, j'ai pas vu. Vous avez, ben, peut-être que je l'ai pas vu, tout simplement. Camille Terrier, la question c'est, ai-je bien fait? Ah, ben, as-tu fait la même? Bon, ben, moi, j'ai pas fait de test de rien. Non. Moi, un médecin, pour moi, c'est quelqu'un que j'emploie puis je suis son client. Je vais pas commencer à agir selon. J'ai pas le rapport que au Québec, ça fait longtemps qu'il y a l'assurance maladie, ces choses-là, c'est-à-dire, dans le fond, un régime socialiste de médecine collective. L'assurance médicaments, ces choses-là. Puis moi, j'ai complètement reviré ça de bord. Pour moi, le médecin, je suis le client, puis c'est mon employé. À mes yeux, c'est pareil comme là, le dentiste, là, il m'a coûté cher là, pour une malheureuse petite dent, là. Mais au moins, lui, il m'écœure pas. Et, en tout cas, mais non, j'ai rien fait de tout ça. Puis, est-ce que vous avez bien fait ou pas bien fait? Si vous avez suivi votre affaire, puis c'est difficile d'aller dire, ah, oh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que c'est du cas par cas, là. Donc, mais non, moi, j'ai pas besoin de me tester. Moi, une maladie qu'il faut se tester pour savoir si on l'a, ça me fait pas assez peur pour que je suive des tests. Puis, je suis pas malade depuis des années. J'ai une bonne santé. J'ai des douleurs chroniques, j'ai quelques petits problèmes, mais j'ai une excellente santé au sens de résistance aux infections, donc. Progressive Connection, je pense que les gouvernements des puissances mondiales ont eu l'expérience des effondrements économiques et des guerres, et je pense qu'ils sont pas trop intéressés, même s'ils n'ont pas eu. Sur le fond, vous savez, les effondrements économiques d'antan étaient voulus par des gens. Vous pensez réellement que les gouvernements, que certes, les gens, les réellement qui sont les plus élevés, ou si on peut dire, au niveau des castes, vous pensez réellement que ces gens-là subissent les effondrements, qu'ils subissent les crises? Ben non, ils les programment. C'est eux qui. C'est comme les guerres sont décidées et voulues par des gens qui ne la font pas et qui ils sont transnationaux, eux. Ils s'en foutent des pays, des États-nations. Ça a toujours été comme ça. Voyons. Ils sont pas trop intéressés. Ben, voyons, les petits gouvernements nationaux, ils font ce qu'on leur dit. Imaginez, là, il n'y a pas un seul pays qui a réellement en ce moment pas de dette extérieure. Ils en ont tous. Ils sont tous dépendants d'instances financières transnationales. Que ce soit la Chine, la Russie ou la France ou le Canada, ils empruntent tous au FMI, ils ont tous une dette extérieure. Qui gouverne réellement? Ce n'est pas des gouvernements nationaux. Question plus directe. Ne pas faire de test ou faire un test pour avoir un pass, donc cautionner le pass. Ça dépend comment vous voyez ça, parce que là, on est dans l'abstraction. C'est dans le monde que. Ce que vous faites concrètement, est-ce qu'on va chercher une symbolique? Est-ce que ça cautionne, que ça cautionne pas? Moi, je sais que j'en ai pas de passe, puis j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Donc, puis j'ai pas à porter. Tu sais, j'arrive pas à avoir je peux pas entrer dans le côté de l'abstraction morale par rapport à ça. Ou à mes yeux, ce qui est important, c'est le concret technique. Donc, si vous avez besoin d'un pass, pour ça, c'est du cas par cas. Je disais juste que j'ai vu le nom de plusieurs de nos politiciens dans des jeunes Global Leaders anglais, oui. Ben oui, c'est sûr, on n'est pas dans la démocratie, ces gens-là sont choisis. On paye leurs études, on les dirige, on les oriente. Il y en a qui ont besoin de brûler de la naïveté, ça oui. Puis il y en a, ça va être très violent. Mon médecin homéopathe n'a eu aucune hospitalisation des cas. Pour ma part, je me programme à ne pas être malade. Je ne veux pas me donner ce droit. Ben, est-ce que c'est un droit d'être malade? Vous savez, des fois, une maladie peut permettre une certaine intégration de quelque chose. Ça m'est arrivé d'avoir un. Prenez quelqu'un là, qui. En tout cas, je pourrais donner des exemples, mais ça serait peut-être pas justé, là, mais. Les mouvements nationaux, c'est comme des directeurs d'école. Arrêtez de les voir comme les tops de la chaîne, c'est ça. Et voilà. Donc, le gouvernement sacré au-dessus des gouvernements, eux veulent souvent des guerres mondiales pour leur créer plus d'argent et se pouvoir la. Non, regardez, l'argent n'a aucune valeur. L'argent a juste la valeur pour justement autre que ces gens-là. Eux autres, ils n'ont pas de l'argent. Ils ont l'argent, ils peuvent l'imprimer comme ils veulent. C'est eux-mêmes qui décident la valeur de la monnaie. Comment voulez-vous qu'ils puissent vouloir plus d'argent? Ils en ont rien à faire de l'argent, ils sont dessus de l'argent. Ils sont au-dessus de l'argent. L'argent n'est qu'un support magique pour l'énergie. C'est de la magie, hein? La vraie magie, dans le sens concret, effectif. C'est pourquoi vous pensez que les papiers monnaie ressemblent à des vieux. En tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans, là, mais si vous avez. Bon, faut sortir à un moment donné de l'idée que l'argent a de la valeur. L'argent métal a de la valeur, mais l'argent, la monnaie, ça n'a aucune valeur. Ces gens-là décident de la valeur de la monnaie, imaginez. Pour eux, l'argent n'a aucune valeur. Mais prenez quelqu'un comme David Rockefeller, il s'en fout de l'argent. C'est une abstraction, c'est comme un billet de monnaie, c'est un peu comme un. Vous savez, les petits billets jaunes et rouges des taoïstes, là, pour faire fuir les démons, là, écrits avec du sang de bœuf mêlé à de l'urine de chien. Ça n'a pas une valeur autre que pour le monde des abstractions, le monde magique, justement. C'est de la magie de venir à bout, de saisir la maison de quelqu'un avec des notions abstraites. Les gens n'ont jamais réellement compris ce que c'est le culte, à quel point c'est effectif, à quel point c'est concret. Ça n'a pas à voir avec. En tout cas, juste voir leur passe, je me sens mal. Pourquoi ça me fait autant d'effet? Je check par en dedans quand je vois le QR. Moi, ben, c'est parce qu'il y a de l'émotivité. Vous savez, c'est de l'énergie, l'émotion. Si vous êtes capable de diriger l'énergie, c'est-à-dire de prendre vos émotions, puis de nourrir une créativité, un mouvement créatif avec, ben là, vous allez vous rendre compte que ça peut vous servir. Donc, tout est scénarisé, nous évoluons dans des lignes narratives qui masquent le réel, voire le documentaire, l'hypernormalisation de Adam Curtis. Ah, je l'ai pas vu, c'est. Quelle serait une réponse ajustée pour un exécutant sanitaire qui veut nous. Ben, c'est pas arrivé à date. J'ai pas. Il y a des jeunes enfants là, qui ont été. Mais encore là, c'est du cas par cas, puis le contexte est important. Puis. Investir dans quoi? C'est encore du cas par cas, ça dépend. Vous pouvez investir dans l'immobilier. Si vous avez les moyens, là. Parce que bientôt, mais là, pas d'avoir une hypothèque, là, il faut payer cash. Parce que, vous savez, là, si vous, admettons que vous achetez un bâtiment, puis qu'il y a une hypothèque dessus, au fond, le bâtiment appartient à la banque et vous lui payez un loyer. C'est aussi simple que ça. Comment ressens-tu le mouvement des convois? Cela te donne-t-il de l'espoir? Non. Je le ressens comme une. Je le ressens comme une future déception. Beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie qui est détournée, qui va se perdre. Puis ça va être une déception. J'en ai bien peur. Puis non, ça ne me donne pas d'espoir. L'argent en général engendre le pouvoir, mais oui, en réalité, l'argent vaut rien, c'est ça. C'est pour ça que des vaut rien ont le pouvoir. Le vrai pouvoir, pourtant, c'est pas ça. Vous savez, là, ce sont des esclaves, souvent les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent puis beaucoup de pouvoir. Prenez Justin Trudeau, c'est un employé. Je voudrais pas être à sa place d'ailleurs. Fait imprimer des billets, fait maison avec une face de schtroumpf, prête-les à tes petits voisins, fais-le faire ton terrassement, exige-leur des intérêts, voilà la magie. Moi, c'est parce que là, l'AMF va venir cogner à ma porte. C'est illégal, quelque part. Bonjour, bonjour, Lorine. Franck Chave. Est-ce que BDM serait la suite logique des enseignements de Sri Aurobindo et pourquoi le Québec? Alors, vous savez, Sri Aurobindo, c'est un annonciateur. Et oui, c'était quelque part un enseignant, alors que Bernard, c'était pas un enseignant. C'est un canal pour de l'instruction, c'est-à-dire qu'il ouvre une porte pour que l'individu acquiert la capacité de s'instruire par lui-même. C'est très, très, très différent. Mais oui, c'est une suite logique. Bon, vous avez réussi à me donner. Pourquoi le Québec? Parce que les Canadiens français, de par leur passé et leur situation, c'est parfait pour l'intégration d'autres choses. C'est parfait pour du nouveau, puis aussi pour brûler des vieilles choses. Parce que les Canadiens français ont pas d'identité réelle. Dans le sens, ils ont pas d'identité réelle non plus. Un Canadien français peut pas adhérer à la religion républicaine comme un Français. Il peut pas non plus être il peut être un fervent catholique, mais pas autant qu'un lefèvriste, parce que lui, elle lui a pas été enlevée en 1889, la religion catholique. Il en a souffert jusqu'à récemment. C'est très. En tout cas, quelle est la suite pour Trudeau? Il se fera jeter comme une vieille marionnette, je pense pas. Habituellement, ils meurent dans leur lit, ces gens-là. Donc, ça se peut qu'ils se sauvent. Legault, d'après moi, faudra qu'il déménage. Ben, vous, est-ce que vous avez remarqué que Jean Charest, par exemple, a encore besoin de protection ou qu'il a déménagé? Ben non, il travaille encore comme avocat, puis il fait ses choses, puis aucun problème. Donc, on verra. Mais les gens ont. Mais là, c'est vrai que c'est rendu grave. Avoir un terrain pour potager, cultiver, serait-ce pas la plus grande richesse actuellement? Ben oui. Ben oui, c'est pour ça que je disais, si vous voulez investir, ça serait dans de l'immobilier. Ceux qui peuvent, là, qui en ont la capacité. J'ai été propriétaire d'une maison, mais aussi d'une terre à bois avant l'âge de 30 ans. Bon, les circonstances ont fait que j'ai perdu tout ce que j'avais, puis c'est en perdant tout ça que je me suis le plus rendu compte que la valeur que ça avait. La valeur que ça avait. Mais bon, il semblerait que ça faisait partie de ma programmation de perdre ce que j'avais dans l'immobilier. Mais j'ai un cousin qui, lui, est très calé au niveau financier. Lui, il a beaucoup fait fructifier des portefeuilles. C'est un gestionnaire de portefeuilles, entre autres. Et il a investi dans l'immobilier. Je pense qu'il est rendu à son sixième bloc appartement, des gros blocs, là. Puis, c'est un des brillants, ce que je considère comme brillant dans la famille. En tout cas, avoir un terrain, oui, c'est ça. Mais Lui, il parlait d'aller. Par contre, des fois, il y a certaines naïvetés. Comme là, il parlait de se sauver. C'est où qu'il voulait se sauver, donc? Pas au Honduras. Je sais plus, mais dans un pays de. Bon, j'allais dire quelque chose de pas gentil, là. Mais un pays où jamais j'irais. Je me rappelle plus lequel. Puis je dis, voyons, c'est quoi l'idée? Souvent, là, prenez Bernard. Au début, il voulait aller au Costa Rica. Le projet, là, il y a eu Roche Sauvage, il y a eu Zanor, il y a eu le projet Costa Rica avant tout ça. Il y a eu... Puis le Costa Rica, c'est une très bonne idée, mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'il y a eu une transaction de drogue, semble-t-il, à l'aéroport où ils étaient. Puis ils se sont mis à avoir peur, qu'ils avaient l'impression d'être dans un pays corrompu, puis... Moi, j'aurais choisi le Costa Rica. À la place, ils sont allés faire ça en Haïti. En tout cas. Les Québécois doivent se trouver dans leur être-té et être leur propre canon pour être conscients et voir leur propre direction. Oui, et voilà. Donc, ça va prendre l'individuation. Peux-tu nous partager ce que tu crois être la programmation? Comment ça, ce que je crois être la programme? Il y a un problème au niveau de la formulation, là, de la question. De la programmation, ça, de la programmation, c'est pas quelque chose qu'on croit être ou pas. La programmation, c'est tout ce qui est lié à une répétition mémorisée au niveau des structures, par exemple, ou de rythmique dans l'approvisionnement de l'énergie à travers des structures. Comme par exemple, je sais pas moi, si vous avez fait rire de vous quand vous étiez petit, puis que là, quand vous rentrez dans un endroit, puis les gens rient, puis que tout de suite vous vous demandez si on se moque de vous, ça c'est de la programmation. Mais c'est de la petite programmation. Parce que autour de ça, il y a de la grosse programmation, c'est-à-dire l'âme. L'âme est mémoire. Donc elle est programme. Donc il y a des chemins de vie. Pas au sens comme Spinoza, là, tout est déterminé, puis, mais, parce qu'il y a possibilité en tout cas, mais il y a réellement de la programmation, dans le sens que au niveau de vos structures, vous aurez un chemin de vie, puis pas un autre. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas faire autrement, c'est ça de la programmation. C'est comme, bon, en tout cas. Une vision profonde voit Armageddon inéluctable. Une vision plus profonde encore voit Armageddon comme non seulement possible, mais aussi absolument nécessaire à Haïti. Ben, Armageddon, alors, vous savez, une des. Je serais plus à considérer que c'est inéluctable. Peu importe la forme que ça va prendre. Ma programmation, bon. Je ne la connais pas. Si je la connaissais, ma programmation, probablement que j'y mettrais fin immédiatement. Franchement, là, étant enfant, si j'avais su tout ce que j'allais vivre, j'aurais laissé faire. Quand tu penses ta programmation, on te met beaucoup de bâtons dans les roues. Oui, ben, c'est une des façons que je vois que je m'en vais vers de l'évolutif. Si vous voulez faire un projet puis que il y a des hasards qui semblent vous contrer, des fois c'est parce qu'il faut pas faire ça, des fois c'est parce qu'exactement vous avez mis le doigt sur ce qu'il faut faire. Donc, bon. On vous aime les Québécois et merci pour votre vibration qu'on attendait intérieurement depuis longtemps. Ah. Bon, ben, merci à vous. Haïti, quel manque de discernement. Fascinant de voir comment des gens qui sont géniaux sur un plan sont nuls sur d'autres. Et voilà. C'est ce que je pense aussi. J'ai jamais compris. Même j'étais un enfant quand ça s'est fait sur l'affaire en Haïti. Puis ma grand-mère, elle m'avait montré l'espèce de bâtiment. Là, il y avait, c'était avec des. Vous savez, des petites tuiles de terre cuite, là, comme les bâtiments en Californie. Puis il y avait des petites lucarnes. Puis je trouvais ça con. J'arrivais pas à croire que c'était là-bas le projet. En tout cas, j'avais 8-9 ans à peu près dans mon souvenir. Plus on est conscient de nos schémas et programmations, plus nous pouvons choisir notre direction. Oui, puis ça prend des chocs. Ça prend des chocs. C'est-à-dire, Être psychologique ou pas psychologique, c'est impossible dans le sens que le but, c'est de développer quelque chose qui est au-delà du psychologique, c'est-à-dire avoir la capacité de développer une objectivité qui va faire en sorte qu'on voit les schémas, qu'on voit la mécanique du psychologique. Ça, c'est la base. C'est, voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Le surmental. C'est un point objectif d'observation. Après, là, ça va prendre de l'intégration. Puis tout ça, c'est dirigé à travers autre chose qui est en dehors du temps et de l'espace, qui est de l'énergie non potentialisée, si vous voulez. En tout cas, ça devient compliqué, mais c'est ça qu'on appelle l'esprit. L'esprit. Donc, c'est pour ça l'affaire de suivre la vibration sans trop se casser la tête, sans trop intellectualiser. Pourquoi? Parce qu'on a des ressources insoupçonnées en dehors de notre intellect. Puis c'est là que ça devient subtil. Ça devient subtil. Puis en plus, le pire, c'est que, admettons que vous allez voir n'importe quelle secte, là, les niaiseries qu'il y en a en Corée du Sud ou n'importe quelle autre secte, les vrais sectes, là, ils vont vous dire faut pas trop penser, faut pas trop réfléchir. Mais eux autres sont psychologiques et intellectuels, ils veulent penser et réfléchir à votre place. L'affaire, là, c'est encore là, il fait que là, c'est aussi un piège, là. Mais au fond, il y a juste vous qui pouvez. Donc, l'affaire, il ne peut pas y avoir de secte. Quelqu'un qui comprend ça, c'est-à-dire qu'il va falloir vous arranger avec vos troubles. Dans le supramental, on ne peut pas faire une secte parce que ça irait contre les principes même. Parce que c'est individuel. C'est individuel. L'individuation. Donc, en tout cas. Pourquoi as-tu mis si longtemps à refaire un live? Ben oui, je vais bien. Pas parce que j'en avais pas la vibration. Plus spécifiquement, là, plus ça me tente pas. Puis j'étais occupé, puis j'étais occupé. Mais oui, je vais bien. Même assez bien. Connais-tu les travaux? Ben, j'ai fait des Denise Bombardier. C'est ça. Connais-tu les travaux de MC Usher qui se défendait d'être un artiste, mais plutôt un mathématicien? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Mais peut-être que je les connais, mais je ne me souviens pas spécifiquement. Pourquoi le corps astral a plus de force que l'esprit dans l'incarnation sur Terre? Parce que le corps astral est fait de mémoire. De mémoire expérimentale. Donc, c'est très près du planétaire. C'est nourri par le planétaire. Mais il faut développer ça avant qu'il y ait un retour, puis un alignement, puis une descente. Les vraies ressources, c'est de l'énergie en soi. Moins. Moins. Mais c'est comme on a tous un potentiel inusité, là, dans le sens de pas usiter, dans le sens de pas utiliser. Si vous venez à bout d'exploiter cette ressource-là, vous allez voir autour de vous les autres ressources. Les gens qui ont beaucoup souffert seuls ont parfois une grande présence et beaucoup d'autorité, mais je leur reproche quand même de ne pas être très souriant. Ben là, peut-être je vais sourire plus, là. Et c'est moins pire, hein? C'est des nouvelles technologies, c'est comme de la porcelaine, là, qui ont mis une couche de porcelaine. Mais oh, c'est le prix, hein? C'est bon. Non, ben, vous savez, ça dépend. Chaque chose en son temps. Si les personnes qui ont beaucoup souffert, puis là, tout d'un coup, ils parlent de certaines choses, peut-être que oui, ils vont être dans un état. Quand ils vont aborder ces choses-là, ou faire des choses dans ce sens-là, ils vont être un petit peu sérieux, mais ça ne veut pas dire que dans le privé, ils ne vont pas sourire. Bernard, il souriait pas mal, je trouve. Surtout dans le temps de Glenn. Il avait du fun. Il a fait du fun. Ils ont brûlé leur joie en même temps que leur naïveté. Ben, je sais pas. Ben, moi, j'ai encore de la joie, mais c'est plus les mêmes joies. De toute façon, ben, franchement, là, moi, quelqu'un qui sourit tout le temps, là, ça fait partie de l'animalité, hein, ça. En tout cas, c'est pas comme un sourire serein, Il y a des fois, il y en a, c'est comme ils ont, on dirait des chiens qui grognent, là. Farrah Fawcett, là, oh. C'est épeurant, ça, quelqu'un qui sourit comme ça. Non, mais pour, en plus, qu'aujourd'hui, quand je me suis regardé dans le miroir, genre, Farrah Fawcett, puis mon dentiste a trouvé ça bien comique. Ouais, ben, l'important, c'est qu'il faut qu'il reste au moins un petit peu le sens de l'humour. Il faut garder la capacité de s'amuser un peu. Ou s'amuser de la vie. C'est pour ça que j'ai fait Madame Bombardier, oui. Ça fait partie de l'humour. Mais en tout cas, mais peut-être, oui, ben, il faut en brûler de la naïveté. Puis de toute façon, s'il y a des gens qui n'ont plus la joie, mais qui n'en ont pas besoin, qui n'en souffrent pas, je ne vois pas où est le problème. Donc, j'ai le même problème du sourire. Tout le monde pense que je suis bête. Du sourire. Ah. Moins peut-être. Mais, bouf. J'aime autant quelqu'un de sérieux que quelqu'un qui sourit tout le temps. Les gens qui sourient tout le temps, je me méfie. Des fois, bon. Vaut mieux avoir l'air bête qu'avoir l'air bête. Dans le sens de Gnochon, là. J'ai longtemps compris le monde à travers une voie traditionnelle d'une programmation claire était présentée pour voir une troisième grande guerre inéluctable, mais c'est faux, elle ne peut pas s'advenir. Bon, nous verrons. Il y a une chose, moi, en laquelle je me remets beaucoup, c'est la nécessité de ce qui arrive pour vrai, qui finit par arriver, c'est-à-dire, nous verrons. Nous verrons combien de temps il faut pour que l'esprit nomme notre réalité présentement. C'est du cas par cas parce que c'est des gens qui s'individuent, qui, pas qui s'individualisent, mais qui vont vivre une individuation, qui a un contact avec l'esprit souvent. Donc, c'est du cas par cas. Ils norment notre réalité. C'est par une addition du cas par cas parce que c'est pas un phénomène collectif encore. C'est un peu comme les mystiques dans le temps, là, c'était un par un. À moins d'hystérie collective. Mais d'habitude, ça, c'est du mysticisme de la folie. De la folie, comme les jansénistes, là, qui se roulaient par terre. Ça, c'est de la folie. Ça en est du collectif, les phénomènes collectifs, là. Bon, en tout cas, sourire ou pas, on sent la joie aussi. Ouais. Ben, des fois, c'est juste d'être bien. De pas être. Est-ce normal que par moment, on oublie que nos pensées ne nous appartiennent pas et qu'on, oui, et qu'on revienne à une vie d'avant? C'est des phases, mais l'important, c'est de pas avoir peur. Mais si vous avez peur d'oublier des acquis, ça veut dire que vous êtes encore en train d'intégrer. C'est ce que vous pensez acquis. Mais c'est par phase. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il faut que j'arrête de donner de l'importance. Non seulement, est-ce que c'est mes pensées, est-ce que c'est pas mes pensées, il faut que j'arrête de donner autant d'importance aux pensées. Que j'arrête de les activer par l'importance qu'on donne psychologiquement. Le sourire permanent de Valérie Plante me terrifie. Oui, il y a quelque quoi. Oui, hein, c'est inquiétant. Vraiment, là, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ça fait peur. Parce que c'est pas naturel. C'est pas. C'est comme quelqu'un qui aurait une grosse difformité au visage. Bonjour, Alex. Salut, Todd. Comme celui de la folle en Nouvelle-Zélande. Ah oui, elle était peurante. Mon Dieu, qu'elle est laide. Si elle était moins habituée par quelque chose d'artificiel puis de pas réel, elle serait moins laide. C'est vraiment une laideur qui transparaît à travers elle. Elle est pas si laide, là, physiquement. C'est ce qui l'habite, qui fait ça, qui déforme son visage, qui. Ah, ouais, elle me fait peur. Moi, ben, peur, c'est une façon de parler, là, mais disons que. En tout cas, merci pour ta réponse. Ta réaction me soulage. Ah, c'est à quoi? Est-ce normal que par moment? Ben oui, mais c'est des phases. Il y a quelque chose d'une extension puis d'une contraction dans tout ce qui est les phénomènes d'intégration. Tout ce qui est les phénomènes par rapport à tout ce qui est les processus d'intégration, il y a quelque chose de phase. C'est comme s'il y avait quelque chose, quand on intègre quelque chose, des fois, il y a un temps, on dirait, il faut même comme si on le digérait avant de l'intégrer. Il y a une phase expérimentale, après, il y a une sorte de phase de digestion, puis après, il y a une phase d'intégration. Puis ça fait que ça fluctue tout le temps. Chez moi, la vibration fluctue tout le temps. L'autre jour, j'avais une vibration très, très élevée au point où je le sentais physiquement. Puis là, je demandais, pourquoi là? Puis là, plus on répondait, de pas m'en faire, pas m'inquiéter avec ça. Puis finalement, ça a arrêté. Puis je constate juste des phénomènes naturels, si on peut dire. Donc, as-tu vu le clip d'Anaïs Favron? Non, je sais même pas qui c'est qui. J'écoute pas grand-chose, hein, je vais être franc avec vous, là. Je suis pas grand monde, puis j'écoute pas grand-chose. Hier, je voulais écouter l'entrevue que Mona a donnée à David. Il m'avait envoyé le lien sur Odyssée et je m'étais mis à l'écouter. Mais il a fallu que j'aille faire le souper. Finalement, il a fallu que je fasse plein d'autres choses qu'après de faire la vaisselle. Ensuite, j'avais des choses à regarder. Puis finalement, j'ai pas eu le temps. Ça dure quand même 2h40 quelques, là. Finalement, je voulais le faire aujourd'hui, habituellement, le matin. Je vais regarder certaines choses. Des fois, je vais mettre des ordres pour la journée. Puis là, finalement, je regarde des choses en faisant certains exercices. Puis ce matin, j'avais mon dentiste. Bon. Donc, finalement, je me suis contenté de déjeuner. Puis finalement, je suis allé chez le dentiste. Je suis revenu. Puis j'ai pas dîné aujourd'hui. Je pense que je vais aller manger bientôt d'ailleurs. Je vais essayer de manger au moins une soupe. Puis finalement, je ne l'ai pas écouté. Puis tout d'un coup, il m'est venu la vibration de faire un live. Puis je ne sais pas du tout pourquoi. Donc, le sourire et la gestuelle de la marionnette désarticulée, hostie, on dirait une possession, comme la Snyder qui interroge des enfants. J'ai jamais été capable, moi, Julie Snyder. Je me rappelle, dans le temps, elle était toute jeune, là, l'enfer, c'est nous autres. Puis je l'ai jamais. J'aimais pas ça, je la trouvais pas bonne. Dans le sens, elle me tombait sur les nerfs. Elle me tombait sur les nerfs. Il faut qu'elle se déguise puis qu'elle fasse le clown pour venir à bout de créer de l'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est pas intelligent, tout simplement. Désolé, là. C'est une sorte de Pierre Marcotte en jupe avec Empire, là. En tout cas, moi je l'ai tout le temps trouvé. Je trouvais pas ça bon, là, sans joke. Là. Je l'ai jamais été capable, elle me tape sur les nerfs. Juste sa voix, sa face, les deux en même temps, c'est encore pire. Puis pas pour être méchant, là. Non, je suis pas capable. Favron est une no-name qui est passée, à tout le monde en parle. Vibration, j'écoute pas ça. Vibration de possession idéologique terrifiante. Ah, peut-être. Ben, vous savez, moi, tout le monde en parle, j'écoute pas ça. D'ailleurs, il devrait changer le nom de cette émission. Tu ressens notre énergie qui se matérialise dans notre vibration. Oui, mais ça dépend. Puis des fois, c'est inconscient. L'enfer, c'est nous autres, ça sonne très approprié. Ben oui. Ben oui, vous vous souvenez, elle avait fait une publicité pour l'Auto-Québec, le 649, là. Puis elle était au plafond, accrochée à un lustre, là, puis elle se balançait. Il se dégageait de ça quelque chose de grotesque. Elle a quelque chose de grotesque, mais comme morbide, là. Mais je dis pas ça méchamment encore là, mais j'ai jamais été capable. C'est clair qu'elle fait partie d'une strate de l'humanité qui, au niveau des rapports de force, il peut pas y avoir autrement qu'autre chose que des chocs là, avec moi. Je ne peux pas avoir rapport avec quelqu'un comme ça, là. C'est comme chien et chat. Puis, bon, un chien et un chat peuvent être amis dans le contexte d'un foyer harmonieux, mais pas dans la nature. Pas au niveau, bon, je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire, mais je pense pas que c'est. Mais aussi le fait qu'à un moment donné, elle sortait avec la porte, là, le handicapé moteur en chaise roulante. J'arrive pas à croire, moi, que c'est pas par intérêt. C'était pour sa carrière. Puis après, avec Pilado. Oh, que je pas, que je pas. Je devrais pas là, dire ça, là, mais quand même. Là. J'ai pensé un live après celui avec David parler le verbe créateur. Je l'ai senti, c'est drôle. Ah oui, peut-être. Comme je vous dis, j'y avais pas. Je pensais même pas en faire un aujourd'hui. Quelqu'un de normal ne gravitera pas dans les médias politiques. Je suis d'accord. Même, il y a quelque chose. On a tellement caricaturé le vrai monde d'ordinaire normal, moi, que ça m'enrage. Puis aujourd'hui, on vit dans du tout croche. Puis il y a quelque chose qui était caricaturé, je sais pas si vous vous souvenez, à Fox, dans les années 90, là, aux États-Unis, l'émission King of the Hill. Comment on caricaturait le monde normal là-dedans. Puis comment, justement, il y en avait un là-dedans, là, Dale Gribble, là, c'était le complotiste, le fou, là. Puis il était là pour rire de ça. Puis à un moment donné, le garçon du King of the Hill, là, lui, il aime ça, le monde du spectacle puis du show business. Puis lui, il était montré comme c'est un gentil garçon puis tout, mais c'est son père qui est pas correct. Puis à un moment donné, son père, il le regarde puis il dit, écoute, là, puis son père qui était une caricature d'un prolétaire républicain de la classe moyenne. De droite, qui est montré comme un imbécile, dans le fond, il regardait son. Il avait dit à son fils, il dit, il faut que je te le dise, là, le show business, c'est fondamentalement mauvais. OK? Ben, vous savez quoi? Ben, moi, c'est ce que je pense. Désolé. Puis, c'est pas surprenant aussi quand on regarde la façon dont les plans fonctionnent au niveau de certains plans qui sont liés à la subjectivité humaine par l'inconscience humaine, comme l'astral. Ça ressemble à des décors de théâtre. C'est théâtral. C'est lié à de la fascination, pas des ambiances. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Puis, en tout cas, je ne sais pas si vous voyez. Mais non, quelqu'un de normal ne gravitera pas dans les médias ou la politique, je suis d'accord. Puis normal au sens de sain. S-E-I-N, là. Sain. Dans le sens de sanité, d'absence de pollution, d'absence de corruption au niveau de l'âme, ce qu'on appelait la corruption de l'âme. Nous verrons pourtant, même si une troisième guerre advenait, il se peut que ce que je vous dis ici soit plus réel que votre prédiction réalisée. Bon, on verra. De toute façon, une guerre, c'est pas nécessairement. En ce moment, nous vivons une guerre. La Deuxième Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Partout dans le monde, il y a toujours eu la guerre quelque part, puis ne serait-ce que des guerres économiques. Prenez George Soros, quand il spécule sur la monnaie de petits pays, c'est de la guerre économique, c'est un criminel de guerre économique. La guerre, c'est d'abord dans le subtil, au niveau de rapport de force, ensuite ça se matérialise dans notre plan. Mais la guerre, c'est la réalité de l'expérimental planétaire qui est un rapport de force. Donc, quelque chose qu'on pourrait appeler une troisième guerre, ça va pas nécessairement avoir la forme comme on appelait par le passé, ce qu'on appelait par le passé la guerre. Parce que la première guerre mondiale était très différente de toutes les autres guerres d'avant et la deuxième aussi. Donc, une guerre conventionnelle, ce qu'on considère comme conventionnel est possiblement impossible. Mais on verra. De toute façon, une guerre, ça peut durer 2 semaines. Puis bon, j'aime le fait que des gens normaux peuvent maintenant avoir un micro. J'aime bien Samuel Grenier. Et toi aussi dans un autre ordre, bien sûr. Ah, je connais pas Monsieur Grenier. Salut à tous. Des problèmes de clavier. Ah. Tu manges les grosses marionnettes en bois de à plein temps et t'es cuit, mais c'est rien comparé à l'actuel écosystème médiatique. Même les journalistes ont l'air lobotomisés, moi. Aïe, à plein temps, ça remonte à loin, ça. Il y avait une Madame Shampoo, me semble, là-dedans. Là. Il y a le chat. Le chat était pas. Il y avait un chat marionnette qui était pas trop épeurant. Hein. Mais, oh, moi, ouais. Ouais, c'était creepy, pas mal. C'est qui a eu ce concept-là de mêler des acteurs à des marionnettes? Ça a dû coûter cher, ça. Rien qu'au Québec qu'on fait des. Ça en est, ça, des concepts du monde qui ont un petit peu trop étudié, genre. Tu sais, ils ont des. En tout cas, des études en communication, en théâtre, puis en suspension, là, ça. Ouais. Ça aboutit à des drôles d'affaires. Hey, ça avait vous pensé combien que ça devait coûter, ça? Ça devait en prendre du monde. Hey, mais à plein temps, là. En tout cas, si tu prends le problème dans l'autre sens, nous permettons à un certain virus de vivre, donc nous sommes des couveuses de virus qui leur permettons d'être en certaine continuité. Ouais, mais le problème, c'est qu'un virus, c'est pas une forme de vie au sens cellulaire comme nous, là. C'est un petit peu autre chose, là, au niveau de ce qu'on considère comme du vivant, là. En effet, qu'elle soit subtile ou bien physique, système digestif, l'information doit être digérée avant d'être intégrée, ensuite éliminée, ce qui deviendrait toxique s'il ne l'était pas moins. C'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir à l'instruction. Sinon, ça redescend. C'est tout le temps en mouvement, ça. Dès que c'est figé dans une forme, on est fait. Donc, vont-ils activer le graphène contenu dans les pic-pic? Je ne sais pas. Aucune idée. Je ne sais même pas ce qu'il y a de réel là-dedans. En tout cas, ça me fait penser comment vont les actions de Nouveau Monde Graphite. Hey, j'en avais de ça, puis je ne sais pas pourquoi je l'ai vendu avant que ça explose. Au fait, c'est quoi ta marionnette verte bombardier et un perroquet? Non, c'est un bonhomme juste pour rire. Là. Vous savez, le festival juste pour rire, le petit diablotin vert. Mais là, comme il y a un gros sourire puis que ça fitait pas puis qu'il y a des petites cornes rouges, ben j'y ai mis une débarbouillette jaune sur la tête pour faire comme une peignure jaune. Puis j'y mets du linge pour y couper le sourire. Là. Fait que là, il a l'air d'une bébite, là. En tout cas, il faut que ça ait l'air sérieux, là, parce que sinon ça ne marcherait pas. J'ai failli en faire un dernièrement, là, je ne l'ai toujours pas loin. Mais finalement, bon, je laissais faire, là, j'attendais de voir ce qu'elle allait sortir, ce qu'elle allait faire. Là. Puis, aussi, j'ai remarqué que ce n'est pas très populaire, là, le monde ne pas trop, là. Moi non plus dans le fond. Là. Mais j'ai eu du fun à l'imiter, mais le deuxième que j'ai fait, je l'ai moins. Parce que c'est une vibration, hein, Denise Bombardier, c'est une rythmique, c'est une vibration, puis il y a quelque chose d'une frustration contenue qui sort par pouf, pouf, pouf. Vous savez, là, c'est un peu comme Mathieu Bock-Côté, sauf que Denise Bombardier, elle, il y a quelque chose d'une retenue puis d'un besoin de contrôle de soi total. Elle prononce là, chaque syllabe, là, les E à la fin de chaque mot. Là, c'est comme elle ne va pas dire ils veulent tuer leur semblable. Là, leur semblable bleu, le bleu, bleu, très important. Et vraiment, là, il y a quelque chose de robotique, mais d'émotion robotisée. C'est difficile à expliquer. En tout cas. À plein temps, un fonctionnaire avait débloqué une subvention pour... Ben oui, OK, là, je comprends. Au Saint-Anne. Ben oui, c'est encore de la magouille. Moi, le culturel, là, j'ai bien de la misère avec ça. En plus que c'est de pire en pire, là. Ah, c'est comme... En plus, ça a de plus en plus pas d'allure. Moi, on dit que je suis tanné. Je suis vraiment écœuré dans le sens... Toutes les chanteuses, les chanteurs, c'est quoi, ils font-tu exprès de prendre les pires? Voyons donc, je veux pas... De toute façon, je connais pas le nom. Je peux pas nommer personne. Tu nous as régalé avec ta marionnette. Ah bon, ben, moi j'aime ça pareil, mais bon. Ils sont plus motivés que nous sommes tannés. Après leur pandémie, il y aura autre chose. Les gens ne voient pas plus loin que demain, ils vont payer les morons. Ben, l'affaire, c'est que tu te couvres quand... Tu planifies une crise comme ils font. tu te couvres avec une autre crise, puis une autre crise. Comme, par exemple, admettons, là, ça commence à brasser par rapport à des choses qui se sont passées pendant une guerre, puis tout, t'engendres une autre crise, puis là, ça te couvre un peu, puis finalement, ça arrête jamais. La culture, c'est fini. Ouais. Tellement que, bon. Oui, je suis d'accord. J'ai joué génial, là, mon barde verte avec sa barbouillette, moi. Ouais. Ben oui, il fallait qu'elle ait les cheveux jaunes, là. C'est drôle, faire se teindre les cheveux rendus à 81 ans, là. À un moment donné, il faut s'assumer, là. J'ai bien de la misère, moi, avec ça. En tout cas, bombardier une frustration liée à ce qu'elle dégage et que la personne normale voit immédiatement tout son mépris pour les gens du commun. Oui. Ben oui, c'est comme ça qu'elle parle de la chaussure en privé. On le sent, c'est comme Anne-Marie Dussault. Oh, aïe, aïe, incroyable. Ou l'autre, là, Patrice Lagacé. D'ailleurs, c'est tout. Soit des dames, soit des hommes qui ont quoi de féminin. Comme, moi, je le trouvais féminin, Richard Martineau. Je sais pas, je suis tout seul, là. Mais j'ai tout le temps trouvé. En plus, il a commencé à écrire, là, je pense que c'était dans le Châtelaine. Je sais, je n'ai jamais lu vraiment quand il y avait qu'il soit dans le Journal de Montréal. C'est drôle, hein, Martineau, la première fois que je l'ai vu, c'est à la télévision, puis il était avec Dutrisac, les Francs-Tireurs. Puis il se moquait de Denise Bombardier. Aujourd'hui, on pourrait croire que c'est sa moraine. Culture égale culte. Oh oui. Oui, ça vient de là. Donc, c'est comme une Zemmour québécoise. Moi, ouais, il y en a beaucoup qui se font de l'espoir sur Éric Zemmour, alors que moi, je pense que c'est un piège. Moi, savez-vous ce que je pense qu'il y a derrière M. Zemmour? Moi, je pense que c'est un agent américain, là. Mais non, ça, je mieux pas trop donner mon opinion parce que ça va me retomber dessus. Anne-Marie Dussault est la quintessence du mépris. On dirait qu'elle est toujours sur le bord de régurgiter, oui. Ah oui, la baboune. Moi, je l'appelle la baboune. On dirait qu'elle a des haut-le-cœur tout le temps. Puis, bon. Hommes et féminins, femmes masculines, on sait plus. Ouais. Ben, eux autres, ils savent pas. Ils sont tout mêlés, on dirait. Mais c'est comme l'autre, là. Sophie Durocher. Je veux dire, ça paraît bien, cette femme. Bon, elle m'énerve, là, mais. En tout cas, il reste que j'ai de la misère à croire à ça. C'est comme dans le temps que Jean Guilda s'était marié avec Juliette Huot, là, ce mariage-là. C'est-tu pour leur carrière qu'ils se sont mariés ensemble? Du Rocher. Puis il y en a qui l'appellent Sophisme du Fréchier. Sophie du Rocher, je l'avais trouvée bien bonne, celle-là. Dans le temps, là, qu'il y avait eu les carrés rouges, là, il y avait des jeunes dans la rue, là. La gang des réseaux trotskistes Anado-Dubois, là, néo-trotskistes des cégeps puis des universités qui scandaient so, so, so, Sophie Durocher. Puis l'autre, ou qui riait d'elle sur des pancartes, qui avait écrit ça sur des pancartes. Puis Martineau, il disait, c'est des pancartes sexistes. Vous êtes sexiste. Puis tout de suite, c'est de jeter l'opprobre avec des mots comme ça qui, au fond, n'ont même pas rapport avec le contexte. Ça me fait penser à Trudeau qui est allé dire devant Julie Snyder, ben, le monde qui s'oppose aux mesures, là, c'est des racistes puis des xénophobes. C'est quoi ces les mêmes imbéciles de style de qui ont sorti mener des loges là, pas d'amalgame en France, là, le Grand Orient de France et compagnie, puis le vivre ensemble. Puis ils jouent le jeu dans le sens qu'ils tiennent le langage, ils nous enferment dedans, puis bon. Ben le fun. Interview de Daniel Kemp lui a demandé, est-ce qu'on. Ah oui, qui a demandé ça? Avec Anne-Marie Dussault. Je ne pense pas. Elle lui a demandé est-ce qu'on pense ou est-ce qu'on que ça pense? Il a répondu que ça pense et qu'il fallait penser au ralenti pour avoir les réponses. C'est intéressant, ça. Il va falloir que je regarde ça. Mais des fois. Des fois, quand ça va de plus en plus vite, que là, oups, il sort des choses inattendues. Donc, l'affaire au ralenti, c'est de savoir ce qu'il voulait dire par ça, là. Mais c'était intéressant, ça. Hein? C'est un drôle de phénomène, Kemp. Je ne l'ai pas assez écouté, puis j'ai drôle, hein? J'ai plus envie d'écouter rien. J'ai plus envie d'écouter rien. J'écoute plus personne. Ben, il y a Mona, je vais l'écouter, là, c'est certain. David, je l'écoute. Puis, mais à part ça, j'écoute plus grand monde. Il y a Pierre Jovanovic. De temps en temps, là, s'il y a de quoi de nouveau, je vais l'écouter, là. Je l'aime bien gros, lui. Il le trouve drôle. Surtout, de temps en temps, on peut voir Iris, là. Ça me fait toujours plaisir. Mais c'est temps ça, ça fait des mois, des semaines que je ne peux plus voir de chou. Ça me fait trop de la peine d'en voir. Martineau n'a pas d'inhibition tellement convaincu que son impression non informée est la bonne. Comme quelqu'un de stupide, l'agacé, par contre, me semble plus maîtrisé dans son vomissage. Oui, c'est pour ça que j'ai plus de misère avec l'agacé encore, parce que lui, il est vraiment malade. Martineau, des fois, il a l'air convaincu. Il a l'air juste à terre. Il a l'air juste d'un gnoche. Tu vois, avec ses textes, là, on dirait que c'est écrit par du monde du secondaire, là, ou que c'est écrit pour un journal étudiant. Mais l'agacé, lui, j'ai plus de misère avec parce qu'on voit dedans, on voit dans ses textes l'intention fallacieuse. Il est malhonnête, tout ça, là. Tête de clignote. Moi, c'était pour. Ah, oh, ça, c'est notre ministre Dubé, Monsieur Dubé. Zemmour ne s'inspire pas, ne m'inspire pas confiance. Il est là pour distraire avec l'identité pour faire passer la quatrième révolution industrielle. Ben, vous savez, moi, ce qui fait que je me méfie de Zemmour, c'est que ça fait très longtemps que c'est un polémiste de télévision et qu'il collabore quand il venait le temps de détourner l'attention sur l'islam, entre autres. J'ai bien de la misère avec ça. Puis ça fait des années qu'il parle d'une guerre civile en France comme il en appelle quasiment à ça, dans le fond. On dirait qu'il la souhaite. Puis il y a un côté, c'est quelqu'un qui polarise à tout prix, qui était là pour détourner l'opinion, l'énergie, puis polariser. Puis c'est pour ça, moi, que pendant plusieurs années, là, je l'ai observé, je me suis dit, voyons, c'est quoi son problème? On dirait qu'il est de mauvaise, je le trouvais de mauvaise foi, sans nuance. Puis là, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est une espèce vous savez, là, les enfants d'Abraham, originaires du Liban? J'ai pensé que c'était possiblement, parce que vu par son nom, j'imagine qu'il y a des origines. Puis finalement, non, j'ai pas confiance, désolé. Juste le fait qu'il le laisse se présenter, puis c'est louche. C'est louche. Pour faire de la politique, honnêtement, de nos jours, faut quasiment avoir un QG enterré sous terre, puis être. Se financer occultement. Puis bon. En tout cas, Mona, 2 heures, très bon. Oui, je suis sûr que c'est. Mais ici. Ah ben, merci à vous, Franck. Mona Hébert est la seule femme qui parle vraiment en ce moment. J'en vois pas d'autres, c'est dommage. J'en ai vu en privé, qui est canalisée, qui était bonne, puis qui avait une vibration haute. Mais bon, on n'est pas parfait dans le sens que, bon. Je lui tire mon chapeau. Ah, Mona. Oui, ben, elle n'a pas froid aux yeux, très honnête, très claire, très spontanée. Franck Jouassian, moi. Il semblerait que oui. Mais oui, c'est comme il y a ça que je n'aimais pas aussi de Trump. Trump, moi, j'ai jamais eu confiance. Puis j'ai pas plus confiance maintenant. Puis j'ai pas confiance, point. En tout cas, c'est pas parce que tu sais, je le sais, je suis sûr qu'il est tenu quelque part, mais je sais pas par quoi ou comment, là, je veux dire, quel casserole qu'il a, là. J'aime bien Mona, mais dans cette discussion avec David, je n'ai pas trop compris son histoire de nouveau monde portée par les camionneurs et le retour de Trump. Ouais, ben Mona, c'est, je sais qu'elle, elle aime bien Trump, puis elle aussi, elle a cette espèce d'espoir-là, d'un monde nouveau, là, les 1% là, qui vont tomber. Puis moi, non, mais ça, c'est correct, là, c'est son personnel, c'est son affaire personnelle. Elle voit ça comme ça, mais moi, je le vois pas de même. Trump, j'ai jamais eu confiance. Puis les camionneurs, moi, je pense que c'est de l'hostie de manipulation, puis qu'il est, derrière ça, il y a des agents doubles, du CRS puis de la GRC, qui ont attisé des extrémistes faciles à manipuler, puis qu'il y a de la CIA même en dessous de ça, puis que c'est toute une grosse opération, puis que ça va finir par nuire. De la même façon que QAnon n'a jamais embarqué là-dedans, c'était une opération de désinformation, tant qu'à moi, une opération, genre CIA, là. Puis c'est pareil pour Trump. Ah oh non, j'ai pas confiance. Donc, elle est plus optimiste que moi à ce niveau-là. Mais c'est correct, là. Mais moi, je crois pas au nouveau monde. Toutes les histoires de monde. Moi, là, c'est le monde d'Astor, il est vieux. Il va s'effoirer parce que c'est une fin de cycle. Donc, puis possiblement, l'autre cycle, je serai plus là. Donc, je regarde pas ça comme ça. Fait que l'affaire de nouveau monde. Oui, il va avoir son affaire, l'apothéose, ça, je l'avais capté aussi, puis je le sens fort, ça. Mais pas sous des formes comme ça. Il serait tellement facile de pasticher ces gens sérieux. Ils ont peut-être été remplacés. Collé, je pourrais sérieusement faire des caricatures, puis ça passerait au pupitre. Moi, ben, ils ont baissé le niveau, là. Le niveau est assez bas, là. Ben, le Journal de Montréal, là, un exemple, là. C'est vraiment. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment bas, là. C'était dans ce qu'il y avait de plus bas, là. Master, c'est vraiment un torchon, là. C'est vraiment. Allô, police, les articles, je te gage, qui ont plus d'allure, qui sont mieux écrits. J'aimerais bien t'entendre jaser avec Mona. Je l'aime beaucoup, mais j'entends parfois Cossette à travers ses opinions. On pourrait jaser ensemble, je pense. Je le sais, mais je chicanerais pas, là, avec Mona. Mais c'est sûr, là-dessus, on n'a pas la même opinion. Pour moi, Cossette, Trudel, il est naïf. Il est trop accroché sur Trump, il est trop vers les États-Unis. C'est en train de servir de diversion. On va se faire pogner culotte à terre, là, le Québec, parce qu'on est trop à attendre de l'extérieur. J'aime pas ça. Donc. Si tu as vu des femmes en privé qui canalisent, ne serait-ce pas créatif de faire une vidéo ou un live du haut pour lancer des personnes qui mériteraient d'être entendues? Ces dames-là qui canalisent, je me suis toute chicanée avec. J'ai tout fini par dire, toi, je veux plus te parler, puis je veux plus te voir, puis donne-moi plus de nouvelles. Ben, je suis désolé, là. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui analyse que c'est du monde parfait, là. Il y en a une, là, qui était pas peu. Puis, ben à un moment donné, j'ai dit, j'ai plus la vibration de te parler, merci, bonsoir. Il y en a un autre, était trop émotive, avait un rapport trop émotif avec moi dans mon âme, puis c'était devenu fatigant, puis je l'ai bloqué. Puis, il y en a un autre, elle projetait une certaine paranoïa. Elle disait qu'il y a une autre femme qui nous espionnait quand on se parlait sur une affaire, puis ça avait pas de bon sens, ça se tenait pas debout, fait que j'ai dit que je voulais plus rien avoir. Cette valeur, hein, c'est à cause de certaines émotions qui viennent déformer des choses que finalement, souvent, ben, y a des rapports qui s'arrêtent avec les dames qui canalisent. De toute façon, quelqu'un qui a son contact, il n'a pas besoin de. Pas besoin du canal des autres, même si c'est un catalyseur puis que ça aide. Mais à un moment donné, quand que ce qu'on peut faire descendre ensemble vaut pas la chandelle de souffrance, là. Psycho-affective, expérimentale que ça apporte, moi, c'est pas long. Si je perds plus d'énergie que j'obtiens de choses positives pour tout le monde, ben. Donc, il y en a trois de même qu'ils canalisaient vraiment, là. Puis les trois, ça a mal fini. C'est à elle de prendre parole. C'est pas à moi de leur donner de la parole. Bernard, il l'a dit, il dit, l'homme va falloir qu'il apprenne à être plus dans l'écoute, puis à avoir le plus de capacité d'écoute, puis la femme va falloir que par elle-même, elle ait plus de capacité d'émettre. Donc, c'est à ces femmes-là, par elles-mêmes, de parler, d'aller voir le public, si elles en ont la vibration. Puis comme mon nom est Berce, là, c'est pas mal dans le top. De celle à visage découvert, puis envoyé, puis pas barré, là. Pas barré, puis ça, c'est le fun. Tu sais, ça, elle, là, elle les accote, là, les autres que je parle, là, même, ça va bien plus loin, parce qu'elle, au moins, elle a pas peur d'aller parler au public. Mais les trois autres, ça a été des déceptions. Ça a fini par être des déceptions. Il y en a une que je trouvais trop instable. Puis en tout cas, je pourrais revenir là-dessus, là, mais il y en a un autre à un moment donné, c'était une sorte de jalousie qui apportait de la paranoïa, mais ça avait l'air inconscient. Puis c'était rendu irrationnel. Puis il y en a un autre, il y avait trop une psycho-affectivité polarisée par rapport à moi. À un moment donné. Fait que je l'ai barré, je l'ai juste eu des rapports en courriel, celle-là, puis par Skype. Mais c'était trop, là. C'était trop. Une journée, elle m'aimait trop, le lendemain, elle m'haïssait trop. Je veux dire, c'était jamais objectif, c'était jamais ajusté, c'était jamais. Une journée, j'étais un être extraordinaire, alors que je n'ai pas d'allure, là, je suis pas extraordinaire. Puis le lendemain, j'étais le diable. Donc, non, non, je me situe là entre ces deux extrêmes-là. En tout cas, à polariser trop, c'est souvent ça que ça fait. Je vais devoir bientôt arrêter. Il va falloir que je commence à préparer. Je veux faire quelque chose qu'il faut cuire longtemps pour le souper. Aussi, je vais essayer de dîner. Trump soutient officiellement les camions. Ben oui, c'est sûr. Il y a intérêt d'ailleurs parce que sa base électorale, techniquement, au niveau du théâtre, si on peut dire, ben c'est sûr qu'ils vont soutenir ça. Oubliez les truckers, ils leur donneront des os à ronger, mais n'oublierons pas leur projet technocratique, c'est ça. Entre vous et moi, là, c'est aussi épeurant comme protestation que nos amis hippies des années du Flower Power, tant qu'à moi. Puis même là, plus ils vont être agressifs, plus ça va nuire. Peu importe ce qu'ils font, ils vont retourner l'énergie. L'énergie de la protestation, peu importe ce qu'ils font, l'énergie va se retourner, puis ça va être instrumentalisé contre le monde. Ça se peut que je me trompe, puis bien franchement, je l'espère. Si une guerre civile a lieu en France, Zemmour se targuera d'avoir été visionnaire. Ben oui, je sais bien. Tant qu'à moi, c'est un employé, M. Zemmour. Il sait que c'est pas. En tout cas. Thérèse, petite info, je suis malade, tout fièvre, mal au crâne, au ventre. J'ai dû faire un test antigénique positif au COVID. Ah oui? Bon, ben, je vous souhaite un prompt rétablissement. Mais je pense pas que vous êtes en danger, là. Je penserais pas. Les trois, c'est une bonne grosse grippe. Tant qu'à moi, là. Ce que vous décrivez, là. Les trois quarts des gens au Journal de Montréal travaillent en robe de chambre de chez eux. Chien intex en vitesse et s'auto-convaincre en se réalisant le lendemain. En se réalisant le lendemain, oui, c'est ce que je pense aussi. Moi, j'en reviens pas que. Bon, en tout cas, il peut bien y avoir des totons de graisse, Martineau, là, parce que. La secrétaire du médecin a donc annulé mon rendez-vous, car on ne soigne pas le ouais. Ben non, ils ont intérêt à pas le soigner, hein. Ben si, j'ai l'impression que ça, possiblement, que ça pourrait avoir un effet, étant donné que c'est maintenant interdit en vente libre. Oh. Je comprends la pogne pas, là. Depuis quand que l'aspirine doit être interdit, enfin? En tout cas, c'est assez. Ouais. Mais ils peuvent quand même vous faire des prescriptions par téléphone si vous êtes convaincante. Au pire, là, il y a le privé, hein, madame. Quand vous êtes une cliente, puis vous qui payez, je vous dis que ce n'est pas le gouvernement qui paye, je vous jure que ça change de ton. Alors que ce sont les mêmes symptômes que j'avais il y a plus de 2 ans à l'école. Là, j'avais été soigné pour que cela ne dégénère pas. Je vis en France. Ah oui. Ah bon. Moins. C'est drôle, les soins. Mais possiblement, c'est moins fort maintenant que ce que c'était. Parce que si. Bon, en tout cas. Mais d'après moi, si vous prenez soin de vous, là, puis vous savez très bien que. Ben, vous le savez, vous l'avez déjà eu, que bon. Mais c'est toujours déplaisant quand le temps que ça dure. Cossette crie victoire trop vite, sa naïveté est touchante, mais dangereuse, moi, c'est ce que je pense aussi. Le pire, là, c'est Monsieur Cossette Trudel, là, il est touchant, puis moi, ma mère l'aime beaucoup. Elle l'aime beaucoup, c'est sûr, il y a une sorte de, il y a quelque chose de d'attendrissant. Fait que donc, il y a comme une sorte d'affection naturelle. Les gens ont une sorte d'affection naturelle pour lui. Mais c'est là que ça crée un charisme qui peut rendre les autres naïfs, dans le sens qu'on se fait influencer. Puis bon, je te souhaite de trouver une chaussure à ton pied, en tout cas, car peut-être revoir tes exigences de manière à ce que tu sois heureux gagnant. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, par rapport aux dames. Ah, oh ben là, c'était pas des conjointes, c'était des correspondances. Les conjointes que j'ai eues, ils canalisaient pas. Quand, là, vraiment, j'ai une relation amoureuse avec une dame, c'est jamais quelqu'un qui canalise. Moi, pour moi, le supramental, là, c'est quelque chose que je parle pas avec mes proches. Je parle pas de conscience avec mes proches, j'essaie d'en parler le moins possible. Jamais je me mettrai en couple avec une personne qui canalise. Jamais. Parce que ça ferait 2 fois plus de troubles que j'en ai. Thérèse trouve des aiguilles de pain et fait des infusions. Tu gagneras du temps de guérison. Ben oui, ben, ça peut aider au niveau d'atténuer certains symptômes. Les aiguilles de pin sylvestre et le sapin baumé aussi, je pense que juste mettez ça dans votre oreiller. Mais ben, de toute façon, vous savez, c'est tellement facile à trouver. Ça fait longtemps que ça existe, ces affaires-là. Fait que on sait quoi faire. Hein. Donc, oui, justement, j'ai acheté de l'aspirine. Donc, ah, bon, vous êtes chanceux. Ici, si, j'ai pas le droit, on n'a pas le droit d'en acheter. C'est surprenant. Eucalyptus globulus. Ah oui, ça, j'ai de l'huile de. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y a certaines huiles là, de racines. Faites entre autres à Hong Kong, Singapour. Il y en a qui activent la circulation. Vous mettez ça ici, là. Ça aide à respirer. Puis, en tout cas, c'est très, très puissant. J'hésite un peu là, à balancer des noms comme ça, là, parce que des fois, il y en a qui ont des. Il faut pas qu'ils se mettent ça, là, notamment là, les dames qui allaitent. Je fais des tisanes d'artémisia. Et oui, j'ai des aiguilles de pin. Je pensais plus. Ah, je n'ai pas d'artémisia. C'est drôle. Ce que j'ai, c'est surtout lié à la médecine chinoise. Donc, l'artémisia, j'en ai pas. Mais j'ai des choses qui auraient des capacités équivalentes. Mais oui, pour Madame, faites des tisanes. Oh, c'est sûr que ça. D'ailleurs, elle avait été interdite à des endroits, donc ça doit fonctionner très bien. Boire du thym très fort. Bon, ça doit être bloqué pas mal. En France, ils veulent interdire la vitamine D. Hein? Incroyable. Vous êtes sérieux, là? Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. C'est épouvantable. Oui, je parle. Des dames, je te souhaite sincèrement de trouver une femme et comme ça, ton karma, ben, mon ex-compagne, j'ai encore des rapports avec elle, je m'entends quand même bien avec elle. C'est au niveau que je peux pas vivre avec Mais de toute façon, ça vous regarde pas, là, mais bof, on verra bien de toute façon qu'est-ce que ça vient faire dans la conversation. Tu as ton karma, tu trouveras une guerrière, j'en veux pas. Hey, je veux pas une guerrière, elle va me faire la guerre. J'en ai déjà eu avec. Si tu mental, tu l'aimeras quand elle te rendra meilleur, moi. Me faire attendrir à coup de bâton. J'arrive à la fin. Là, j'espère vous parler de la fin d'une infection, là. J'espère, là, pas. Ici, en France, on peut encore avoir de l'aspirine. J'ai fait des réserves. Moi, peut-être que c'est une bonne idée parce que. Ah, les bombes du tic, ben ça, les bombes du tic, c'est bien pour des douleurs comme. Par exemple, les douleurs musculaires, des choses comme ça, là, mais puis, respirer mieux, oui, ça aide, mais c'est pas ce qu'il y a de plus puissant. Il y a plus puissant que ça. Parce que c'est drôle, hein, c'est souvent au niveau. Mais vous savez, ça existe aussi en liniment. Hein. Le Tiger Balm existe en liniment. C'est une petite bouteille. Les gens ne savent pas ça. Il n'y a pas ça dans les pharmacies. C'est beaucoup plus puissant que le baume du tigre. Mais au niveau d'huiles qui sont très efficaces, par exemple, pour atténuer certains symptômes durant de la grippe, Possum Honey. Possum Honey. C'est entre autres des racines. Puis c'est rouge. Puis ça active la circulation. C'est un vasodilatateur. C'est très puissant. Ils disent que c'est un perturbateur endocrinien. Oui, possible. Ils veulent interdire les huiles essentielles. Ben là. Gingembre frère, râpé chaud et curcuma. Moi. Ah, j'en ai. Même, vous savez, il existe des liniments. Voyons, la muscade, fait à Hong Kong, puis aussi à Singapour. Je pense que c'est Shapwa Hun. Shapwa Hun, ils font un liniment à la muscade qui est très puissant. Si je m'en mets là, ici, là, ça m'arrête mes douleurs d'estomac pendant 5 à 7 heures. Ça rentre à l'intérieur, puis ça va rejoindre mon estomac. Puis, ça me permet des fois de dormir. Quercétine pour COVID. Au Québec, c'est que aspirine qui n'est plus en vente libre ou Tylenol. Non, ça, il y en a encore. Il y a encore Advil puis Tylenol. Il y en a encore, mais l'aspirine, il faut vous la faire prescrire. Alors que ça fait au moins 85 ans que c'est en vente libre. C'est ridicule. J'ai pris en compte certaines choses que vous avez dites ainsi que Monsieur Sabourin. Du coup, j'écoute les conférences de psychologie évolutionnaire faites en solo par BDM lors de ces dernières années. Oui, je pense que c'est dans ce qu'il a fait de mieux. Pour pas dire ce qu'il y a de plus. Tous les moyens sont bons pour nous faire taire. Taper une lettre à la fois, c'est une façon de voir son degré d'humilité. Ah. Pas trop ce que vous voulez. J'ai trouvé Tiger Balm blanc et aussi le rouge chez Jean Coutu. Oui. Oui, puis, mais c'est comme je vous dis, c'est pas aussi. C'est plus un analgésique topique qu'autre chose, là. Ça va pas nécessairement avoir un effet. Comme par exemple, c'est pas carminatif non plus. C'est-à-dire, il y a certains liniments. Puis certaines embrocations qu'on trouve dans la médecine chinoise qui ont un effet immédiat sur les organes internes par application locale. C'est très, très, très surprenant. Très, très, très surprenant. Mais là, il n'y aura pas ça chez Jean Coutu. Comme les huiles carminatives, quelqu'un qui est constipé, là, il y a certains liniments, là, vous frottez le ventre un peu, là, puis je vous garantis, l'effet est très, très, très rapide. C'est en tout cas, il y a même les petits bébés qui ont des coliques, qui ont des coliques, il y a, voyons, Caplimo. L'huile Caplimo, ça règle les coliques des petits bébés. Juste une petite goutte pour masser le petit ventre, puis c'est assez rapide. En tout cas, la racine de gingembre très dure, rouge. City. Ah, ouais. Ah, mais Ouais, ben, mais Tiger Balm, oui, il reste que c'est une bonne marque, là, mais je le considère plus que. Moi, je m'en sors comme analgésique topique, c'est tout. Et au niveau de certaines autres choses, je m'en sors pas, parce que c'est pas aussi. Faites comme les Guadeloupéens et buvez du rhum, ça tue tous les virus, moi. Ça tue du monde aussi. Si on développe une dépendance, là. Le jus de pomme de terre, c'est la seule chose qui. Hein? Qui fait passer l'acidité de l'estomac. Non, moi, d'autres affaires qui, je trouve, qui fonctionnent. Même des affaires comme j'aime bien les Tums, là. Mais j'en ai pas aujourd'hui. Si tu magnétises de l'énergie que l'autre sent, l'énergie, c'est de l'astral. Que l'autre sent, l'énergie, c'est de l'astral. Il faudrait élaborer. Je bois du rhum, mais ça passe pas. Oh. Ma perception change, oui. Oh. L'huile est 105. L'huile est 105 voleurs. J'ai de la misère là, à suivre. Là. Mais par rapport là, les huiles de certaines racines sont extrêmement puissantes. Même, il y a certains. Pourquoi certains liniments là, anciens, que c'est des Chinois, entre autre de Singapour puis de Hong Kong, qui connaissent les recettes. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a certaines plantes qui sont extrêmement puissantes, trop, même en petite quantité. Donc, il faut les coupler à d'autres plantes qui vont atténuer. Il y a ça juste dans la médecine chinoise. Vous avez une plante qui a un effet très puissant. Puis on va en faire une recette avec une autre plante qui va atténuer l'effet de la première plante. Mais ces deux plantes-là ensemble peuvent avoir un effet tiers. Donc on va rajouter une quatrième plante qui va réguler. Puis ça a pris des millénaires à découvrir ces formules, à élaborer ces formules-là. C'est pour ça que c'est très, très touché. Mais il y a certaines maisons, ce que j'appelle des maisons, c'est des apothicaires, là, ce qu'on appelle anciennement des apothicaires qui ont les formules, puis qui ont les alambics, là, qui font les distillations. Pour some on, très grande qualité, là, vraiment. La compagnie Shaoppo de Singapour, qui est la plus vieille compagnie médicale de Singapour, elle est dans le livre des records Guinness. Les produits d'une extraordinaire qualité, notamment le liniment là, de la muscade, c'est ceux qui font le meilleur. Puis c'est pas trop cher. Puis en tout cas, si au moins je recevais une cote, je vais faire maintenant de la pub puis du placement de produits, mais comme je ne reçois pas de cote, on va les avoir. As-tu un conseil à nous donner pour aller de l'avant, percevoir l'astral dans notre quotidien, évoluer ou transmuter? Ça me surprend, ça, comme question. Percevoir l'astral dans votre quotidien. Je comprends pas la question dans le sens que l'astral, c'est l'affaire la moins subtile. C'est ce qui est pas astral qui est subtil, dans le sens que. Votre voisin, là, il a des problèmes de coke, puis les bras beurrés de tatou, c'est ça de l'astral. C'est tout sauf subtil de l'astral. Tout ce qui est fascinant, tout ce qui va susciter chez vous quelque chose qui vous sort hors de vous, la colère, souvent ça va être l'esprit qui se manifeste à travers des couches de subjectivité en réaction face à quelque chose. Évoluer. Si vous êtes tanné de souffrir de quelque chose, vous n'aurez pas le choix d'évoluer. On évolue quand on n'a pas le choix, c'est ça l'affaire, là. C'est pas une attitude psychologique. Puis l'affaire de transmuter, ça, c'est avec le temps. Vous ne referez plus les mêmes patterns, vous ne laisserez plus l'énergie activer les mêmes programmes au point où ils vont s'effacer. Là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui change au niveau de votre mémoire. Expérimental, là, votre âme. Donc, je ramasse à chaque été mon herbe à dinde, appelée aussi achillée ou millefeuille. Et j'ai fait mes tisanes quand j'ai fait de la fièvre. Mon père nous a toujours fait aussi. Ah bon? Ben oui, il y a des choses comme ça de famille qui sont Là, vous savez, là, ce qui est intéressant, c'est si vous, justement, là, pas juste quand vous faites de la fièvre, mais la vraie, vraie médecine traditionnelle, comme il y a en Inde ou en Chine, elle va être intégrée au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas juste quand on est malade. Donc, il faut. Prenez la soupe, là. Les gens de langue cantonaise qui vivent à Singapour, là, ils ont une soupe, là, le bakouté, je pense, s'appelle bakouté. C'est des côtes de porc bouillies dans un bouillon de racines, entre autres. Il y a vous savez, là, le saut de Salomon, de la racine de saut de Salomon, puis des choses comme ça fait un bouillon rouge vif. Puis ils font bouillir. C'est spécial parce que la Malaisie, c'est musulman, mais il y a des Chinois qui font des soupes de porc. Bon, ils font bouillir certaines herbes traditionnelles médicinales, puis là-dedans, ils vont faire bouillir des côtes de porc. Cette soupe-là est considérée comme un médicament, mais elle est consommée aussi quotidiennement. C'est-à-dire que c'est pas juste quand on est malade. C'est ça, dans le fond, une vraie médecine traditionnelle, c'est lié au mode de vie, à votre mode de vie. Donc, les gens au Québec qui vivent 100 ans, souvent, bon, ils ont l'habitude de boire un petit peu de rhum, de boire une ponce de gin, puis oui, c'est sûr que ça a un effet. Donc, Steve, vinaigre de 5 voleurs. Ah. Huile essentielle. Sanctive, un exemple. Ah, OK, là, je comprends mieux. La térébenthine. Oui. La térébenthine dans les liniments, la térébenthine Wong Tuyik, Woodlock Hoyle, il y a de la térébenthine là-dedans, ça soulage les douleurs musculaires. La térébenthine et le kérosène, des liniments avec du kérosène. Là, on tombe dans des affaires un peu, les liniments du 19e siècle, là, avec du kérosène, là, le liniment volcanique, là. Je suppose que vous connaissez ça. Ne pas appliquer près d'une flamme nue. Si vous ne voulez pas avoir mal pour vrai. Mais, oui, la térébenthine, elle a un effet immédiat sur les muscles. Ça passe à travers la peau. Il ne faut pas en mettre trop, par contre. Mais pas peu non plus, là. Bon, en tout cas, je ne mets pas ça peu, là. Mais, vous prenez un exemple, là. Wong Tuyik, le Woodlock Hoyle de Hong Kong. Il y a de la térébenthine là-dedans. C'est très bon. En tout cas, la cuisine, la dernière forme d'art qui ne me semble pas trop astrale. Vous savez, en Chine, il y a un dieu de la cuisine, là. Puis, oui, ça peut être astral. Il y a de la bouffe astrale, là. Même Bernard, il dit. Il y en a, ils vont s'aligner vers une nourriture un petit peu moins astrale. On peut considérer que la nourriture industrielle est très astralisée. Mais moi, mais en tant qu'art, là, je suis d'accord. Vous dites qu'on est en fin de cycle. Vous dites que les fins de cycle sont marquées par des cataclysmes naturels, oui. Ben oui. Oui, je le dis encore. Je dois y aller. Bon, ben au revoir, moi aussi, je vais devoir y aller bientôt. Des scientifiques affirment un désastre écologique, mais vous ne croyez pas au réchauffement climatique. C'est étonnant, je trouve. Ben, ça dépend de quoi on parle. Je pense pas qu'il soit d'origine anthropique, c'est pas pareil. C'est très différent. Ah non, je dis pas qu'il y a pas de, je dis pas qu'il y a pas des régions qui ont un réchauffement. Moi, c'est sur les causes et d'autres choses que je crois pas, là. La plante phyle systémique, c'est une prévention. Oui. Réchauffement climatique, sortez de la pensée. Oh, ben là, je connais pas, là. Ma mère, à 96 ans, n'a jamais regardé à son alimentation, adore le beurre et la pâtisserie, n'a jamais été malade. Elle habite encore son appartement seul. Ben oui, ben pas besoin non plus d'être obsédé par l'alimentation. Ça dépend de chacun. Puis vous savez, le beurre. Le beurre, c'est plein de vitamines A, de vitamines, entre autres, là. Donc, il y a des vitamines difficiles à trouver autrement que dans le beurre. Moi, là, le monde qui gueule sur le cholestérol, puis fuck, là, moi, le beurre, j'en mets plein, là. Puis, c'est bonne valeur, mais j'y crois pas que ça encrasse les artères, puis j'ai jamais cru à ça. Pour moi, le beurre, c'est magique, c'est quelque chose d'important. Le bacon fait maigrir. Là, il y a du monde, ils vont penser que je suis fou. Le bacon aide à éliminer des. J'ai déjà, vous savez, là, c'est pas ce que le monde pense qui encrasse les artères, qui fait engraisser, mais là, j'repasse un petit peu mon rôle là, en donnant. Disons que c'est des opinions que j'ai. La dernière grippe que j'ai eue, j'avais la vibration de rien prendre, même si j'ai tout de naturel chez moi. Je voulais la combattre. Ben, comme ça, elle vous a servi à vous endurcir. Super, c'est rare que je te pogne en live. Ah bon, puis je suis aveugle de partir. Kérosène intéressant, ben oui. Le liniment volcanique, il y a du kérosène là-dedans. Puis, ouais. Merci beaucoup pour tes réponses. Madame me réclame, je réécouterai ce live avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée en essayant de préparer des questions intéressantes. Bon, bonne journée à vous. Donc, Thérèse qui dit merci à Camille, Julie Duchamp. Le cholestérol, c'est l'arnaque santé des années 80-90. Je suis parfaitement d'accord. Moi, souvent, c'est des phases que j'ai, là, mais je consomme à peu près 4 œufs par jour. Même des temps là, où j'étais moins en moyen, je mangeais presque exclusivement, je me nourrissais presque exclusivement d'œufs, de lait et de beurre. Puis j'ai jamais eu peur du cholestérol. Au contraire. Puis même, je veux dire, j'ai une bonne santé là, quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas idéal, mais je peux manger des fois jusqu'à 6 à 8 œufs en une journée. Donc, mais j'ai jamais eu peur du cholestérol, puis je considère. Souvent, là, les gens disent, oh, le cholestérol, attention, cholestérol. Puis là, je regarde, c'est quoi le cholestérol? Les gens qui m'achalent avec le cholestérol, je leur demande, c'est quoi le cholestérol? Puis ils ne le savent pas. Le cholestérol, c'est ce qui protège l'intérieur des artères contre l'acidité du sang. La plupart des gens qui, vous savez, c'est sûr que, bon, tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont entendu à la télévision, bien, ils n'ont pas étudié la question. Ça ne les intéresse pas de voir par eux-mêmes ou de constater par eux-mêmes ou de déduire même. Les gens, ils parlent ils mettent donnent beaucoup de valeur à l'intellect, mais ils ne veulent même pas déduire par eux-mêmes. Bon, en tout cas, merci beaucoup. À bientôt. C'est très gentil. Bon, ben, merci à tout le monde. Je vais quitter bientôt, là. Le cholestérol, c'est excellent. Oui, quelqu'un qui n'a pas de cholestérol, là, il doit vivre des souffrances extrêmes. Qui n'en aurait pas du tout, là. Ça doit être une mort dans d'atroces souffrances. Je ne regarde pas non plus pour le cholestérol. Mais non. C'est vrai que ça a été une arnaque. C'est épouvantable. Là, à un moment donné, là, il y a eu à un moment donné une mode, là, c'était de donner des hormones, là. C'est médicaliser la ménopause. Ben de la misère avec ça. Il y a une jeune que je connais, elle a paralysé. Puis ensuite, elle est décédée du cœur. Puis je soupçonne que c'est les hormones. C'est incroyable. Au 17e siècle, on disait les médecins tuent plus de gens qu'ils n'en sauvent. Eh bien, je pense qu'à notre époque, les médecins tuent au moins autant de gens qu'ils en sauvent. Donc, bon, bien sûr, ce sera le mot de la fin. Donc, bonne journée. Au revoir.